MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple, commentaires et critiques, vos questions, nos réponses et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de MacQuébec. MacQuébec.com. Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 22 octobre, il est présentement midi 10, on est un petit 10 minutes en retard, mais on est là, comme prévu, et c'est Noël aujourd'hui, je le dis comme toujours, c'est 2-3 fois Noël par année, où en fait, oui c'est ça, on peut le dire, en fait, va se rajouter aujourd'hui quelques éléments qu'on voudrait demander au Père Noël. Vous écoutez le podcast Mac Québec. Le podcast est maintenant la seule production produite par Mac Québec. Les amateurs de Mac Bonsoir n'existent plus. Ils sont maintenant sous forme de segments à l'intérieur du podcast, ce qui nous permet de un peu plus gérer le temps, les entrevues et les questions. Et il semble qu'on ait fait un excellent job au cours des 3 dernières années parce qu'on a de moins en moins de questions, ce qui est étonnant. Mais oui. c'est comme un message. On vous rappelle en fait que si vous posez des questions pendant le podcast normal et non pas aujourd'hui parce qu'on va avoir a lot to cover comme dirait Apple, vous pouvez vous mériter des codes promotionnels pour des applications. Donc, vous nous écoutez, vous avez un petit problème, vous nous appelez et je vous rappelle de ce pas les différents canaux où est-ce que vous pouvez nous rejoindre. Donc, vous pouvez nous rejoindre via Twitter aujourd'hui. Ça sonne donc bien. Arrêtez de jaser. Hashtag PodMQ sur Twitter. Vous pouvez aussi rentrer en contact avec nous via le forum Mac Québec Entraide. Donc, www.macquebecentraide.com. En nous écrivant directement, on aime bien recevoir vos questions, vos commentaires au podcast @macquebec.com. Et il n'est pas activé aujourd'hui, mais vous pouvez aussi nous téléphoner de partout en province au 1-877-561-2357. Reste en ligne, on a un T-shirt pour toi. Aujourd'hui, Jean-François n'a pas pu se joindre à nous. Donc, je suis allé chercher ma bonne amie Geneviève Denki la jeunesse. Bonjour. Est-ce qu'on utilise encore Denki? On utilise encore Denki. Excellent. Donc, Denki s'y connaît en Apple. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et ça faisait longtemps que je voulais l'avoir sur l'émission et je suis très content de l'avoir aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir, surtout pour Noël comme ça. Ben oui, voilà. Jean-Michel? Salut Alexis. Il y a mieux à faire aujourd'hui. Ben oui, mais qui est en congé le mardi, puis ça donne bien. Apple fait toujours ses lancements le mardi. Ouais, c'est comme. Salut, je vais travailler vous 7 jours sur 7, sauf les mardis 2 fois par année. Excellent. Et les vendredis aussi 2 fois par année. Oui, les vendredis 2 fois par année. Deux semaines après. Exactement. Donc, si on calcule que le iPad serait lancé aujourd'hui, on pourrait estimer qu'on va aller demander des bonbons à l'Halloween au Apple Store. Exactement, oui. Ça n'arrivera pas, il faut que je passe là. Mes enfants. On tient à remercier, évidemment, vous rendez bien compte qu'un événement comme ça ne peut pas s'organiser tout seul. Donc, on a de l'aide. D'abord, pour les locaux, il y a ClickPom qui nous prête ses locaux, du matériel, le réseau Internet et moi-même. En fait, puisque c'est une journée de travail normalement aujourd'hui. Et ClickPom offre évidemment du service pour les PME et les particuliers à domicile. Hier, on a donné notre première formation au local ici. Et c'est pour ça qu'en arrière de moi, vous voyez ce fabuleux écran de 58 pouces sur lequel j'ai fait apparaître mon iPhone toute la soirée pour expliquer les nouveautés de iOS 7 hier. On remercie aussi iRepair Montréal, sauveur de vie professionnelle. On reçoit beaucoup de demandes à Mac Québec pour les gens qui ont des problèmes avec leur iPhone, genre je l'ai échappé dans les toilettes, ou le piton d'ouverture, le home button ne fonctionne plus. Eh bien, ces gens-là qui sont situés au 1184 Sainte-Catherine-Ouest vont pouvoir vous aider. Donc, on les remercie. On remercie aussi Reptile Tech parce que s'il y a peut-être eu un petit retard au niveau de la diffusion, le site web, lui, n'a pas planté et on remercie Reptile Tech pour ça. Les deux derniers podcasts, si vous nous avez suivis, que ce soit pour celui du 10 septembre ou pour le podcast All Star qui a eu lieu samedi il y a deux semaines. C'est ça. Exactement. Reptiltech nous avait fourni la pizza, mais là, ils sont plus restés dans leur champ d'expertise, c'est-à-dire le web. Donc, on vous recommande d'aller faire un tour sur le site web. D'ailleurs, en ce moment, ils ont une petite promotion. Je ne sais pas combien de personnes sont en ligne actuellement à nous écouter, mais si vous allez faire un like sur la page Facebook de Centraide, donc c'est pas une gimmick pour qu'eux augmentent le nombre de followers, c'est vraiment pour aider Centraide à mieux communiquer, eh bien Reptiltech va remettre 1$ jusqu'à concurrence de 5 000$, ce qui est quand même... C'est pas pire pour une seule compagnie. Donc, ils vont remettre un 5 000$ à Centraide, donc aidez-les à ouvrir leur portefeuille et en donner plus. Ouais, aidez-les à les aider, à les aider. C'est ça, finalement. Exactement. Donc, Centraide... Il n'y a pas de son. Ça diffuse pas de son? Il n'y a pas de son qui diffuse. Ils ne nous entendent pas. Non. Donc, on va continuer parce que ça enregistre en même temps. Oui, parfait. Donc, voilà. On remercie aussi Hugo Bureau, leader canadien dans la vente de mobilier de bureau en ligne. Il y a d'ailleurs eu sur le site de Mac Québec et sur le site de Nivity un article par Kim Auclair qui testait des produits Hugo Bureau, d'excellents produits. On remercie aussi 3DI pour le prêt de matériel. Donc, 3DI qui est une compagnie qui offre beaucoup de matériel vidéo. Des trucs Blackmagic, des cartes Aja, des trucs comme ça. Donc, ils nous ont prêté du matériel aujourd'hui. Et finalement, on remercie Copoli 8 pouces, Copoli Plateau, qui est un petit restaurant, en fait, de gros burgers qui est sur... C'était très bon. C'est pas le genre d'hamburger là, qu'on voit à la Belle-Province ou quelque chose. Ben, c'est pas comme... tu sais, il y a une photo... Puis quand tu te le donnes, le burger, il est comme pareil que la photo. Ah ouais. Gros comme ma tête. C'est ça. C'est incroyable. Ben, c'est croyable, mais disons que c'est ça aussi, appréciable. Et puis, je crois qu'eux, si on va sur leur page... Oui, ben, en fait, quand je t'allais commander la bouffe, je leur ai proposé de parler de leur concours. Ils ont un concours, si vous faites une recherche sur Facebook pour Copoli Plateau, vous allez trouver le restaurant, le petit restaurant qui est juste à côté de Saint-Laurent, ici, sur Mont-Royal. Et si vous faites un like sur la page, ben, vous entrez dans un concours qui vous permet de gagner un an de Burger Copoli. Et j'espère gagner, en fait. Mais Québec n'est pas responsable des atteintes à votre santé coronaire, artérielle et tout ce genre de choses, mais enfin. En fait, comme c'est un an de Burger, on peut dire que c'est des burgers à vie. Parce qu'honnêtement, si tu manges comme tous les jours de ça, il te reste à peu près ça. Hein. Ils sont énormes, sont vraiment bons. On a bien mangé, donc on est rassasié. On est super bien sur pour... tous les fronts. Exactement. Et à l'avant, qu'est-ce qui se trouve? Je voulais aussi vous rappeler, on est en période de concours à Mac Québec. Il y a deux concours qui roulent en ce moment. Le premier est un concours qui s'appelle Clickpom Pimp Ton Mac. Où est-ce qu'on fait tirer un SSD modèle Samsung 840 de 250 GB installé dans ton Mac. Donc, si tu gagnes le concours, tu viens dans les locaux de Clickpom, on fait le changement de disque dur et on transfère tes données. Évidemment, il va falloir faire peut-être un petit ménage avant. C'est un gros disque dur de 1 Tera pour le transférer dans un 250 GB, mm-hmm. mais ton ordi va flyer après. Le deuxième concours, c'est plus un sondage que Mac Québec demande l'aide, en fait, de ses lecteurs, de ses auditeurs, pour savoir un peu plus qui vous êtes et peut-être aller chercher des sponsors ou des commanditaires un peu plus pointus et savoir exactement qu'est-ce qu'on leur offre à ces commanditaires-là. Donc, c'est quand même un beau prix à gagner. Oui, tout à fait. Donc, mm-hmm. un Apple TV mm-hmm. et 70$ de carte iTunes pour feeder le Apple TV. Wow. Mm. Donc, moi, j'ai vu des concours de plus grosses compagnies, en fait, des sondages de plus grosses compagnies qui donnaient pas mal moins que ça. Ce qui fait le tour de nos commanditaires, on va les mentionner pendant la journée. Et derrière moi, vous pouvez voir sur notre fabuleux écran de 58 pouces, j'aime ça dire ça, les logos des commanditaires. Maintenant, des nouveautés. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui, en fait, Jean-Michel? Bien, on s'attend à des lancements là, de la part d'Apple, principalement l'iPad. C'est le gros sujet là, qui revient. Mais ça se pourrait là, qu'il y ait d'autres choses aussi, là, mais pas... Apple présente ça comme le iPad Media Event. On va faire le tour, en fait, de ces rumeurs-là, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on sait que, en fait, et Apple, l'événement ne s'appelle pas un jeu de mots avec l'iPad, il s'appelle « We still got luck to cover ». Donc, toutes les. Et Apple n'utilise pas les mots à la légère. Non, non, non, il n'y a rien d'anodin là-dedans. Exactement. Mm. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ils vont parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Et une des rumeurs, on y reviendra, mais ça pourrait être un nouveau cover avec un clavier. une idée jamais vue, révolutionnaire. C'est étrange, curieux. Donc, on va voir, mais en premier, effectivement, on peut parler des iPads. Donc, iPad 5e génération. C'est ça. Un an après la dernière, là, contrairement entre le 3 et le 4 qui avait eu juste 6 mois, là, que ça l'avait... 9 mois, mais là, ça serait le nouveau iPad. C'est ça. OK. Donc, le 3e nouveau iPad, le 5e génération de iPad. Serait un iPad avec un écran de 9,7 pouces, mais un peu à l'image de l'iPad mini, donc avec un contour plus étroit. Un bezel plus mince. OK. Puis un derrière. On passe du joueur de ringuette au joueur de basket. Et est-ce qu'on pense qu'on va être capable de le tenir en une seule main? Non. Je pense, ils n'enlèveront pas là, tant que ça. Là, il va quand même rester un petit contour. Là, ce ne sera pas l'écran, là, l'écran qui va prendre toute la place. Il va y avoir un petit contour noir de chaque côté. Mais... On en voit des fois des prototypes où est-ce qu'il n'y a que l'écran. Ouais, c'est impossible à faire. Là. Parce qu'on a un doigt qui doit être en avant là, pour tenir l'écran. Il faudrait que lui catche que ce doigt-là n'est pas bon. Donc, c'est les autres doigts qui sont actifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, largeur réduite de 16%? De 8 mm de chaque côté. Donc, c'est 1,6 cm. Ça paraît pas vraiment. Là, ça va paraître visuellement, là, mais au toucher, ça paraîtra pas vraiment. Okay. Là. C'est pas, ça changera pas là, la prise qu'on a du Apple. Il va falloir le prendre à deux mains quand même. Plus léger? Ça devrait être similaire ou un petit peu plus léger, mais probablement à cause du matériel là, qu'ils vont enlever là, de chaque côté. L'épaisseur va être réduite un petit peu, mais c'est 2 mm, c'est minime. La même chose pour la hauteur, 1 mm de moins. Souvent, on dit ça, mais en fait, ce sont des... on retournerait à la grosseur, si on veut, du iPad 2. On se souvient que le iPad 3 avait épaissi un peu parce qu'il fallait trouver de l'espace pour la batterie. Là, on retournerait à quelque chose qui ressemble plus aux dimensions du iPad 2, que les gens appréciaient bien en termes de grosseur. Mais depuis que l'iPad mini est sorti, c'est quand même lui qui a pris le haut du pavé au niveau des ventes. C'est ça. Ensuite de ça? L'écran resterait identique. Ce serait la même résolution, la même taille, le même ratio. C'est un écran Retina. On n'a pas vu quoi que ce soit dans iOS 7 qui nous laissait penser qu'il allait changer quoi que ce soit à ça. Le derrière du iPad, comme je disais tantôt, ce serait comme l'iPad mini. Donc, on aurait le derrière là, qui serait noir ou argent. Possiblement gold, même s'il n'y a rien là, qui pointe là, vers une couleur or là, pour l'iPad. Il y a eu des fakes, des photos qui sont sorties. Ouais. C'est jamais très clair. Je comprends pas comment ça se fait que les gars qui font ça sont comme... Je comprends que tu sois pressé, là, mais à un moment donné, fais ta mise au point, le grand. Sors quelque chose de bon, là. Je sais pas c'est quoi le téléphone que t'as, là, mais... Ouais, mais c'est parce que quand tu le fais dans Maya, des fois, ça a l'air d'une mauvaise caméra. Effectivement. Ce serait le processeur A7X, qui sera une version un peu plus améliorée du processeur qu'un iPhone 5S, avec une meilleure mémoire RAM. Il n'y a pas rien qui pointe qu'il y aurait un processeur M7X ou M7 comme dans l'iPhone, donc ce serait quelque chose... Il y a certaines technologies qui sont toujours gardées pour le téléphone, et cette technologie-là, en fait, elle est là pour prendre toutes les informations du capteur, surtout pour des utilisations au niveau des applications sportives. Fait que là, je ne sais pas qui c'est qui va courir avec son iPad accroché à sa ceinture pour écouter sa musique, mais disons que le M7 est moins important dans Il y a quand même des jeux là, qui utilisent de plus en plus. C'est vrai? OK. Ouais. Comme quoi? T'as-tu des... J'ai pas d'exemple. OK. Mais... Parfait. Excuse-moi. C'est ça. Et puis, la caméra serait améliorée encore à 8 mégapixels. Est-ce que ce serait... parce que souvent, ils tiennent la caméra en retrait par rapport à celle du iPhone. L'iPhone, c'est combien? C'est 16 ou 12? C'est 8. 16? C'est 8. Oui, ah ouais. C'est 8. C'est juste que le capteur est plus gros. Ils l'ont gardé à 8. Ils sont pas... Puis en fait, ce qu'ils te disent, c'est pas les mégapixels qui comptent. Oui, c'est ça. Donc, c'est la qualité. Là, exactement. Le logiciel en arrière, comment il gère la photo, tout ça, la lentille, le flash, qui fait une très bonne job. J'ai pas plus de détails, mais est-ce que c'est vraiment le détail important sur un iPad de la caméra? Pas vraiment. Non, non, effectivement. Ça sert surtout à des applications qui vont prendre des notes, des trucs comme ça, mais disons que prendre une photo avec un iPad, c'est comme pas la priorité. Ouais, c'est ça. Puis finalement, on a vu avec l'iPhone 5S l'apparition de Touch ID. Oui. Ça reste encore un gros point d'interrogation pour l'iPad parce que le bouton est différent, il est fait différemment, il est plus petit que le bouton actuel là, sur l'iPad, donc il faudrait... On ne sait pas si Apple a eu le temps là, vraiment de développer là, un bouton là, pour mettre sur l'iPad là, qui est de la même taille là, que le bouton actuel. Depuis la sortie du Touch ID, il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé par rapport à ça. D'abord, pour dire que ce n'était pas une solution si sécuritaire que ça. Ça a pris une journée et demie avant de passer au travers. C'est une solution qui est sécuritaire pour 80% du monde. Et l'autre chose aussi, c'est que quand tu fais un achat sur le App Store et que tu as juste à mettre ton doigt sur le bouton, ça enlève la friction de rentrer ton mot de passe puis de dire OK, faut. Est-ce que je suis vraiment en train de dépenser encore celle de 99 aujourd'hui? Ouais. J'avais fait la semaine passée justement la comparaison avec la fonctionnalité One Click sur Amazon. Ouais. Quand tu as ça d'activer, là, tu réfléchis plus. Là, tu dépenses que 50, 60, 20$. Puis là, la carte de crédit. Ouais, tu reçois le bill à la fin du mois. Là, ça ne désactive pas. Puis dans les jeux qui ont les achats intégrés, c'est vraiment très dangereux, je dirais, pour un parent qui prête son téléphone à son enfant, qui a mis son petit doigt. Puis là, on y va, let's go. Ouais. Exact. Les schtroumpfs. Acheter de pierre magique, quoi, dans la tête. De sales appareils virtuels, là. C'est un peu plate. On s'attend aussi à peut-être... il y a deux annonces qu'on sait qui s'en viennent de Apple, soit un Mac Pro, dont on parlera un petit peu plus tard, et le système d'exploitation Mavericks, qui est tombé en Gold Master il y a quelques jours. Il y a eu deux versions du Gold Master, mais c'est un système qui est stable. C'est un système qui a pris un petit peu plus de temps à développer que iOS 7, mais ça s'en vient. Donc, Mavericks avec des tabulations dans le Finder, assez intéressant comme fonctionnalité. Les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est assez le fun. Plein de fonctionnalités pour accélérer les opérations courantes dans l'OS. Ça, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous dire là-dessus, mais app-nap, là. Économiser de la batterie aussi beaucoup. Et deux des trucs que moi j'utilise beaucoup, c'est Keychain in the Cloud, qui est vraiment chouette, même si j'utilise 1Password à côté. Je les teste un avec l'autre. Et l'autre fonctionnalité que j'utilise beaucoup, c'est... elle m'échappe. Je l'ai trop intégrée, donc je n'ai pas l'ordinateur devant moi. C'est rendu naturel là, pour toi. Le deuxième écran, utiliser les deux écrans. On peut utiliser un Apple TV comme deuxième écran. On peut brancher un troisième écran dessus. Et c'est vraiment très chouette. Là. Ils ont comme réglé tous les problèmes de... Je mets une application plein écran, puis je suis pas capable d'utiliser mon deuxième écran. Je sais que je le répète toutes les semaines, mais c'est pour ça que je peux pas l'utiliser encore, Mavericks, à cause que j'ai des adapteurs externes, parce que j'ai trois écrans chez nous, puis les adapteurs sont pas encore supportés. Là, je suis rendu à l'étape là, de brasser de la marde sur les forums de la compagnie là, qui fabrique les adapteurs, parce que ça a pas d'allure, puis on est plusieurs là, utilisateurs là, frustrés là, de ça, parce que ça s'en vient, là, ça va être annoncé là, aujourd'hui. Oui, puis ça a été affaire aux développeurs. Faut pas qu'ils fassent comme audio dans le temps de 10.8, où est-ce que pendant quoi, un an et demi, on n'avait pas de driver. Ça n'a pas de sens. Voilà. Ça marche pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur Mavericks? Non, on va probablement avoir la date de lancement là, aujourd'hui, là, surtout si Apple est pour lancer là, des nouveaux modèles d'ordinateur. Je me permets, en fait, parce qu'on n'a pas encore entendu parler du prix de ça. Je me permets une prédiction. J'ai l'impression qu'il va être gratis. Le système d'exploitation. J'ai l'impression qu'Apple va je le donner. Je pense pas. Non? On va voir. Tu sais, des fois, les compagnies font payer pour des raisons là, purement là, budgétaires ou financières. Là, comme je me souviens qu'il avait fait un patch là, pour rendre là, les airports là, compatibles avec la technologie. Ils chargeaient $1 pour ça. Ouais. Ça doit être la même... J'ai l'impression que pour la même raison, ils vont nous charger 20$ pour... Là, moi, je m'attends à un pricing comparable à Snow. OK. Donc, avec, à 20 $ Ouais. Moi, je vais y aller avec Gretis. On va voir qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. L'OS va être payant, mais il va y avoir d'autres choses gratuites de lancer avec, là, des applications. Probablement. Mm-hmm. Autre annonce ayant une probabilité moins élevée. On tombe dans le spéculatif. Dans le spéculatif. On n'a pas entendu parler d'iPod. Ah oui? Oui. Il n'y a pas de rumeur vraiment pour les iPods. C'est vrai, hein? Hein? Ouais, d'habitude, en septembre, Apple lance. Oui. Puis il y a des rumeurs que j'ai entendues, c'est sur les petits iPods. Donc, est-ce que le iPod de Nano va se faire... Mais... Il est moribond, hein, le iPod. Mm-hmm. Est-ce que c'est Apple... C'est un mal aimé de la compagnie, mais pourtant très, très apprécié des usagers. Ouais. Mais on dirait, quand on regarde la stratégie marketing pour cette année d'Apple, Apple vise plus sur l'iPhone 5C. On dirait qu'ils pensent que les parents sont rendus à acheter ça là, pour Noël à leurs enfants, puis ceux qui veulent juste un petit produit à Apple, ils vont s'acheter un iPhone 5C au lieu de s'acheter un iPod Touch là, puis aller sur Internet là, seulement. On en voit de moins en moins là, des iPod Touch aussi. Là. Est-ce que Apple pourrait relancer le produit en le rendant compatible avec le réseau cellulaire? Très probablement. Mais en fait, il y a de ces rumeurs-là qui courent un peu. Ils sont allés chercher CEO de chez Burberry qui a travaillé à l'élaboration de la gamme des montres. Oui. Puis, iPod Nano, je pense que pour les adultes, c'est pas mal l'utilisation qu'on a le plus faite. Une petite montre avec un petit bracelet, puis blablabla. Donc. Il y a des rumeurs depuis la Pebbles. Ouais. Que Apple sortirait une montre. Moi, j'ai l'impression que c'est juste une rumeur qu'Apple a lancée pour regarder toutes les autres faire des montres puis faire comme une montre, il n'y a plus personne qui fait ça. Attends, on lance une rumeur pour des lunettes. Oui, mais en même temps, s'ils allaient dans le ultra haut de gamme à ce niveau-là, d'avoir une espèce d'objet de convoitise dans la gamme, ça se défendrait. Ah, peut-être. Mais ils ne sont pas allés chercher n'importe qui. Il y a deux personnes. Il y a la personne de Burberry et qui a en fait tout arraché. Là. Elle a comme réinventé la compagnie. Ils sont allés chercher quelqu'un aussi chez Yves Saint-Laurent. Oui. Donc, très, très fashion, très, très mode. Mais en même temps, c'est la signature d'Apple à travers tous les produits. Donc, c'est vrai. Vraiment... Parle plus proche de ton micro. Oui. D'accord. Mm-hmm. Tu peux aussi approcher le micro. Ouais. C'est bon. Elle commence, hein? Donc on est gentil. Juste peut-être, si tu es capable de nous ouvrir, j'aimerais savoir combien de personnes qui nous écoutent actuellement. Oui, c'est ça. Dans les autres rumeurs, eh bien, on a un MacBook Pro as well, parce qu'on a déjà un MacBook Air et un iMac as well qui sont sortis. Les iMac as well sont sortis il y a quelques semaines. Ça se vend bien. Il y a eu quelques petits accros, des patchs. Sinon, ça va bien. C'est des machines, en fait, les benchmarks sont sortis. Ils ne sont pas tellement plus rapides que l'ancienne version. Par contre, il y a l'économie d'énergie là, qui se fait. Oui, c'est ça le gros avantage. Effectivement. On remercie les 81 personnes qui nous suivent actuellement en ligne. Bonjour à vous. Et on vous rappelle... 81, 79. On vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous avec le hashtag PodMQ sur Twitter. Jean-Michel va aller faire un tour de temps en temps et regarder s'il y a des commentaires pertinents qui sortent de là. Donc, MacBook Pro, on a parlé un petit peu du Mac Pro. Oui, qu'on devrait avoir plus de détails aujourd'hui. C'est... Effectivement. On se demande quel va être... en fait, quelle partie de notre corps va falloir en fait donner pour un Mac Pro. Est-ce qu'il va nous rester assez de... Ben là, avec le 5S, on est déjà avec un rein de partie. On a besoin d'un autre rein pour fonctionner. Mais le foie, ça se régénère vite. Oui, on peut donner une moitié de foie. Puis à ce moment-là, ça pourrait être intéressant. Ben moi je n'ai pas vraiment à payer très cher pour mon 5S. Là. Je ne donnerai pas de détails au cas où il y a un représentant de Rogers qui écoute. Là. Mais, en tout cas... Puis l'autre boîte que tu recevras, tu m'appelleras. Si tu veux en savoir plus, pose une question sur Twitter. On va mettre Jean-Michel dans l'embarras. Non. Voilà. Le Mac Pro, en fait, on pense que le prix de départ va être autour entre 3 500 et 4 000 $, mais ça risque d'être une machine qui n'a pas deux cartes vidéo, qui est plus bas de gamme au niveau des composantes. Et là, évidemment, tout le monde l'a fait, même dans le temps du Power Mac. On s'en va sur Apple.ca, on prend le Power Mac, on met tout à on. Et puis là, on voit qu'on est peut-être obligé de trouver un autre job pour pouvoir se payer cette machine-là qui peut monter autour de 12 à 15 000 ah oui, 14 000 facilement. Pour un ordinateur, il n'y a pas de problème. Oui, mais 64 gigs de RAM, ça serait malade. Ben, si c'est lancé aujourd'hui, on va probablement tout aller après la diffusion, essayer de le monter au maximum, là, comme tout le monde a déjà fait. Là. Excellent, ça va être super chouette. Puis là, on va pleurer. Si vous n'avez pas le budget pour vous acheter un Mac Pro, vous allez peut-être vouloir attendre les Mac Mini. On parle de Mac Mini qui pourrait aussi arriver avec la Haswell. C'est un petit peu le mal-aimé de la gamme d'Apple au niveau des ordinateurs. Mm-hmm. Ça fait, je pense, 15 mois qu'il n'a pas été mis à jour le Mac Mini. Il serait temps. C'est une belle machine. C'est une machine qui est adoptée par les gens qui se font des cinémas maison ou qui veulent embarquer. En fait, il y a quelques années, c'est ça qu'on disait. On disait, achète un Mac Mini si tu veux essayer l'Apple. Maintenant, en fait, les gens en mettent un petit peu partout, dans leur auto, connectés sur leur TV. Mais est-ce que c'est ce qu'Apple veut avec ce produit-là? Que les gens l'utilisent comme ordinateur de cinéma à maison? Non, c'est ça. Oui, effectivement. Ça sert aussi beaucoup, beaucoup pour les gens qui offrent des solutions en PME au niveau des serveurs. Donc, mm-hmm. c'est une bonne petite machine pour ça. Apple a d'ailleurs un petit Mac Mini serveur qui est bon jusqu'à 25-50 usagers. Passer ça, là, c'est peut-être un Mac Pro à ce moment-là qu'il faut. Parlant du Mac Pro, une autre prédiction, et en fait, c'est pris de Léo Laporte qui pense un peu la même chose. Apple offre depuis des années iLife avec ses ordinateurs. Ils ont toute une gamme de produits professionnels. Il serait très possible que Apple, avec le Mac Pro, offre ses produits professionnels. Donc, à l'achat d'un ordinateur à 4000 $ vous auriez dedans Final Cut, Compressor, Logic et Aperture. C'est ça? Ouais, Aperture, le logiciel de Apple. Donc, pour les photographes, les ingénieurs de son, n'importe qui dans le son, n'importe qui dans le montage vidéo, ça pourrait être intéressant. Il serait livré avec le Mac Pro? Il serait livré avec. Donc, tu l'achètes, tu rentres ton Apple ID, et là, tu te retrouves avec mm-hmm. ça que tu peux installer sur cette machine-là ou toutes les autres machines après, mais bizarrement pas les machines avant. Il y a de quoi comme ça avec un des logiciels qui Mais faudrait Apple va devoir rentabiliser ces produits-là d'une façon ou d'une autre parce qu'ils vont sûrement en vendre des ajouts bien. En vendant des machines à 4000$, je pense que ça rentabilise pas. Mais c'est parce que présentement, ils vendent les machines à 4000$ puis ils vendent les logiciels à 400$ aussi. Ouais. Oui. Mais. Ça fonctionne, les professionnels qui en ont besoin du logiciel, ils l'achètent à 400$. Oui, mais Final Cut est quand même moribond au niveau des éditeurs et le repousser dans la gorge de cette façon-là pourrait être une bonne façon de re-kickstarter le logiciel mm-hmm. parce qu'on sait que de toute façon, la prochaine version du logiciel, ils vont être obligés de la payer de la façon que l'App Store fonctionne maintenant. Donc, moi, c'est une prédiction, puis je pense que ça peut être intéressant. Moi, je suis dubitative parce que d'un côté, oui, c'est très logique ce que tu avances, mais de l'autre côté... C'est pas Apple. C'est ça. Puis moi, si j'ai déjà mes outils, si j'ai décidé que je boudais déjà Final Cut en achetant mon Mac Pro, ça sera pas je vais rebouder Final Cut. Okay. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Ça va être à voir, mais ça va être de voir comment ils vont la jouer, là. Ça va être intéressant à voir ça. Sinon, en fait, il y a des icônes des logiciels iLife et iWork qui sont apparues. Les nouveaux icônes, est-ce qu'Apple va juste updater les icônes de ces logiciels-là qui datent quand même de 2009 mm-hmm. au niveau des fonctionnalités ou il va vraiment avoir... T'sais, pendant un bout, ils ont sorti aux années ouais, et demie. Chaque année. Là, ça fait 4 ans là, que ces logiciels-là sont pas mal les mêmes. Il serait mm-hmm. temps là, qu'ils offrent autre chose. Ils vont sûrement les mettre à jour. Ils vont sûrement mettre ces applications-là à jour pour qu'ils bénéficient là, des services là, sur iCloud là, maintenant. Ouais. C'est déjà pas mal le cas, en fait. Ben, j'ai l'impression qu'ils vont... pousser encore un petit encore peu plus. Loin. Plus oh, tu voudrais-tu parler de quelque chose qui ressemblerait à Dropbox? Est-ce qu'on pourrait extrapoler en disant qu'il serait peut-être temps qu'il augmente aussi un petit peu l'espace qu'on a dans iCloud? De combien, là? 5 gigs? Je sais pas, là, mais mon ordinateur n'arrête pas de me dire que j'en ai pas assez depuis que j'ai perdu le 50 gigs qu'ils m'ont donné l'année passée. Fait que faut soit je repaye, soit que Peut-être qu'ils vont faire quelque chose dans ce sens-là. Ça serait intéressant avec les grosses mm-hmm. fermes de serveurs qu'ils ont en Caroline. Oui, puis avec les grosses caméras qu'ils installent sur toutes leurs périphériques, à un moment donné, ça ouais. donne. Là, mm-hmm. Faut qu'ils s'en rendent compte. C'est parce que si 5 gigs, ça fait plus pour 1000 photos, il y a comme un trouble en quelque part. peux-tu descendre un petit peu cette page-là qu'on regarde? Il est quelle heure actuellement? Est-ce que... Midi 39. On a passé sous silence l'iPad mini 2. Ouais. Oui, c'est vrai. On n'en a pas parlé. Non, et pourtant, c'est... C'est ce qui suscite probablement le plus de discussions. Donc, il y a deux écoles de pensée. Il va y avoir un Touch ID et pas de Retina. Il va y avoir un Retina, pas de Touch ID. Puis il y a comme des weirds qui n'étaient pas là l'année passée qui disent qu'il n'y aura pas de Retina, pas de Touch ID. Ça va être... Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'Apple va mettre dedans. Ben, s'il n'y a pas de Retina, pas de Touch ID, ça va être un raz-de-marée de critiques sur les médias sociaux. C'est clair. C'est ce que ça a été l'année passée. Donc, Apple ne fera pas ça. Ils savent... L'année passée, ils avaient quand même de la concurrence au niveau des appareils de cette grandeur-là. Mm-hmm. Et ils ont sorti leur appareil qui s'est quand même démarqué et ils en ont vendu beaucoup. Mm-hmm. Maintenant, c'est un appareil qui actuellement n'a pas un écran Retina. Et l'écran Retina, ce n'est pas juste de « Ah, on décide de payer un peu plus cher pour avoir un écran de meilleure qualité ». Il faut aussi avoir en arrière ce qui est capable de diffuser l'image sur ça. C'est l'interne d'un iPad 2 là, qu'il y a dans l'iPad mini. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'écran Retina. Sur l'iPad 2, il n'y a pas d'écran Retina. Exactement. Donc, si c'est l'interne d'un iPad 2, on parle d'un processeur A5 qui est quand même trois générations en arrière par rapport au A7 d'aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'il y a eu le A5, A5X, A6... Et maintenant, le A7, donc c'est quatre générations en arrière. Mm-hmm. Est-ce que Apple va lui faire un bond de génération? Est-ce que Apple l'amènerait au... on parle d'un A7X pour le iPad 5e génération. Est-ce que Apple mettrait le même processeur que dans un iPhone dans le iPad mini? Je ne penserais pas. Parce que ça ferait un saut de trois générations. Ça va faire comme Apple fait la différence entre l'iPhone 5S et l'iPhone 5C. Il aurait pu mettre le A7X aussi dans l'iPhone 5C, mais pour différencier le produit moins cher du produit haut de gamme, ils ont mis le A6. C'est ça, c'est A6 qu'il y a dans l'iPhone? Oui, c'est ça. C'est le même que le iPhone 5. Ça va être la même chose entre le iPad haut de gamme, qui va avoir toutes les nouvelles fonctionnalités, le processeur puissant, et l'iPad mini, qui va probablement avoir l'écran Retina, mais le processeur que l'iPad de quatrième génération a présentement. C'est aussi mon analyse. Une question aussi de longévité de la pile là, qu'il faut conserver. Exactement. L'iPad mini, là, qui est une console... c'est pas ça que je vais dire, mais c'est utilisé beaucoup plus comme une console de jeu. Puis si on se ramasse avec une autonomie de pile minime parce que le gros processeur, on est moins là. Puis, parlant de console de jeu, on salue ma conjointe qui passe ses soirées à jouer au Scrabble là-dessus sur son iPad mini depuis Noël passé. Faut savoir en fait que si on parle de mettre le Touch ID sur le iPad mini, il faut qu'il y ait le processeur A7. Les autres processeurs ne le supportent pas. Mm-hmm. Il faut que le processeur soit assez puissant pour gérer l'écran Retina si on en met un. Et la problématique qu'on avait, c'est qu'on a déjà essayé de mettre un processeur pas trop puissant avec l'écran Retina. Ça s'appelait le iPad 3. Et c'est un produit, en fait, que Apple n'était pas très fier, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont... Disons qu'ils l'ont remplacé. Assez vite, oui. Plus vite que beaucoup d'autres produits. Ça a pris 9 mois avant qu'un iPad 4 arrive. Et là, il y avait de l'espace et on disait que c'était le plus puissant, tout ça. Mais en fait, les arguments de vente du iPad 4 étaient à peu près les mêmes que le iPad 3. Puis Apple disait, regardez, là, vous n'aurez pas de problème que le processeur est dans le tapis, puis tout ça, pour rouler simplement le... Il y a des gros ralentissements, en fait, sur l'iPad 3. Donc, est-ce qu'ils vont... Ils peuvent pas faire la même gaffe, mais en même temps, ils veulent se... Puis, c'est déjà le produit, l'iPad mini, sur lequel Apple fait le moins de marge en ce moment. Donc, l'un est-ce dans qu'il l'autre... va avoir une augmentation du prix? Il pourrait y avoir une augmentation du prix, il pourrait avoir un épaississement. Parce que c'est combien, là? C'est 349? Parce que les gens seraient vraiment fâchés d'avoir un écran Retina, mais de payer 399 pour. Puis là, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités qu'on peut ajouter, couper, connexion cellulaire ou pas? Si on regarde, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'écosystème qui y ressemble un petit peu? Les gens qui hésitent entre ça ou un Kindle Fire, par exemple, est-ce qu'on veut vraiment les rejoindre? Qu'est-ce qu'on fait, là? Donc, Il y a le Kindle Fire XD ou quelque chose comme ça là, qui est sorti. Qui sort ou qui est déjà sorti. Hein. Et qui est un produit, en fait, qui a des très bonnes critiques. Il y a le Nexus 5. HDX. Il y a le Nexus 7. 2013, qui est une très bonne tablette, qui a un écran Retina. Au niveau de la batterie, je ne sais pas comment ça se débrouille, par exemple. Apple est un peu pris entre L'arbre et l'écorce, là. Donc, est-ce qu'on décide de manger encore plus nos marges et de... Parce que le produit à iPad mini est plus cher que des produits concurrents parce que les produits concurrents veulent vous mettre la tablette dans les mains pour, chez Google, consommer de la publicité ou chez Amazon, consommer des livres, des applications. Ils sont prêts à les couper dans leur marge. Parce qu'ils vont. C'est des ventes assurées par la suite. Uh-huh. Tandis que ben, avec l'App Store, ce sont des ventes, mais on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Là. Exactement. C'est ça. Donc, plein de questions auxquelles on va commencer à répondre. C'est dans 15 minutes que ça va commencer. Ça va se faire, assez simplement. On va nous sortir des chiffres, nous montrer des photos d'un des derniers événements de Apple, mm-hmm. peut-être l'ouverture d'un magasin. Ça fait un mois, là. Est-ce qu'il y a des magasins qui sont ouverts? Non? Non, il n'y a pas de nouveaux magasins. Pas de gros magasins, en tout cas? Il me semble que non. Ben, il y a le Apple Store qui ont ouvert le 20 septembre avec des nouveaux planchers, mais on s'en est jamais rendu compte. On est juste comme rentré dans le magasin en courant. On a poussé tout ce qu'on pouvait, attrapé notre iPhone Gold. On est sorti, resté accroché une heure et demie avec Rogers au téléphone. Je me sens tout nu en ce moment. J'ai pas mon ordinateur qui sert à la diffusion. Mais ouais. Habituellement, je peux me retourner puis faire puis faire des recherches. Là, je ne l'ai pas. Descends encore un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses en bas de ça? Non, ben j'ai trouvé quelque chose sur le site allemand, le site français d'Amazon. C'est peut-être juste une coïncidence, mais au début de la semaine, quand on allait sur la page pour acheter un Apple TV, on voyait comme date de disponibilité le 23 octobre, okay. qui serait demain. Oui. Ouais. Est-ce que ça pourrait annoncer un lancement ou bien c'est juste parce qu'ils vont recevoir leur cargaison le 23? Parce qu'il y avait des petites rumeurs là, qui disaient qu'il pourrait y avoir certains changements là, sur l'Apple TV. Il y a eu une mise à jour du logiciel quand même récemment. Ouais. Pas une grosse mise à jour. Ils ont rajouté Vivo puis deux, trois autres... iTunes Radio. Là, deux, trois autres services aux États-Unis, effectivement, iTunes Radio. Il y a des gens qui tablent sur un nouveau hardware. Moi, j'aimerais bien avoir un Apple TV contrôlé par Siri. Oui. Ouais. Et j'aimerais bien avoir un Apple TV avec deux HDMI, un HDMI in et un HDMI out, comme sur un Xbox One, à 120 $. Ouais. Donc là, on a un appareil qui rend notre télévision contrôlable par la voix et qui peut contrôler le PVR de Illico ou de Bell à distance. Ça n'arrivera pas, là. Je pense pas que tu vas te rendre jusque-là, mais considérant que Samsung l'offre dans son package de Smart TV pour des trucs de base, là, du genre montre-moi une série dramatique. Ça, peut-être. Non, mais peut-être que ça pourrait aller dans le catalogue. Intégrer ça au catalogue d'iTunes, mais de dire. Change l'input pour la Xbox, puis là je crois que si on est au niveau du rêve, là, Siri va dire oh, je vais regarder sur Internet. Mais c'est toi qui as fait la voix ici, hein? Il va falloir que tu me la fasses. Pas celle-là. Non, mais y a une anecdote à raconter avec ça, par contre, parce que tu te lèves le matin, puis tu passes devant ta TV, puis tu fais quelle température il va faire aujourd'hui, puis. Ton Apple TV te l'affiche sur sur ta télévision. Moi, je trouve que ce serait intéressant. Non, encore là, il faudrait qu'il y ait un changement là, vraiment au niveau du hardware dans l'Apple TV. Il faudrait qu'il y ait un micro, il faudrait qu'il y ait un processeur plus puissant. C'est quoi le processeur qu'il y a là-dedans? C'est A4 ou A5? C'est vrai que c'est... A4. Je suis même sûr, mais ouais, c'est pas beaucoup. Faudrait qu'il y ait plus de mémoire, Puis le beau bordel aussi, là, le micro, bon, ici, on a une 58 pouces. Est-ce qu'on a un câble de 82 pouces pour mettre le petit micro en haut de la télé? Puis là, la prise de son est mauvaise, tandis que chez moi, c'est une dimension plus modeste. Puis là, je le mettrais directement sur la poutre. Je le sens en moins. Téléphone, par contre, qui est relié en Bluetooth. AirPlay, qui serait plus juste AirPlay, ben là, je le verrais, là. J'avoue. Moi, j'ai pensé à la montre qui pourrait servir de ça. Donc, le micro a besoin d'être proche de la bouche. Et à ce moment-là, on parle à sa montre pour demander à sa télévision de faire quelque chose. Et comme elle est attachée au poignet, on ne perd plus sa télécommande. Mais en même temps, ça serait un petit peu, je ne vais pas dire rétrograde, mais d'autres manufacturiers, Microsoft, on développe des trucs qui vont... qui te regardent, qui vont prendre avec ta gestuelle. Oui, c'est vrai. Donc, si t'es là avec ta montre à tenir ton poignet, ça fait un peu... nous autres, on a développé l'affaire de 1995. Un Apple TV avec une caméra HD dedans pour FaceTimer sa télévision. Un Apple TV avec un port USB, là, peut-être pour brancher une webcam. Là, je sais pas si... Parce que moi, mon Apple TV il est avec le cinéma maison là, dans le bas de la TV. Là, c'est pas quelque chose que... Oui, dans l'arrière d'une petite porte. C'est dans ça, le coin, ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de le sortir. Je contrôle avec mon iPhone. Là, c'est rare que je prenne la manette. Là. Ouais. Faudrait soit qu'il y ait un ajout là, qu'on met sur le dessus de la télé avec le micro puis la caméra. Peut-être un Apple TV, parce qu'il y en a un port USB sur ton Apple TV actuellement, mais c'est vraiment juste pour de la maintenance, là. Ouais. C'est pour le restaurer si tu l'as planté, si tu as installé Plex, on n'ira pas plus loin. Donc, avec une caméra dedans, vraiment transformée en fait, parce que ça fait longtemps qu'on parle qu'Apple veut sortir des télévisions, que Steve Jobs aurait décodé comment révolutionner le monde de la télévision. La télévision complètement, puis là, on a c'est une petite lucarne ouverte. Là, au lieu de payer Comcast, ils vont payer Apple, puis on va leur donner tout du vidéo on demand de toutes les séries qu'on diffuse, sauf des studios qui ne voudront pas qu'on les diffuse. C'est... Oui, non, c'est correct. OK, parfait. Ça va très bien, donc il n'y a pas de problème. On salue Mathieu Marano qui nous a donné un coup de main pour la diffusion aussi. Jason, tout va bien? Excellent. Jason Dénommé, mesdames et messieurs, à la technique, contactez-le si vous avez des streams à faire. Il va débarquer avec tout son stock, installer ça. Prendre des journées de congé, puis ils vont vous faire ça. Je te fais de la pub. Ouais, ben merci. Mais il va prendre aussi 10 minutes de retard. Ouais, ben écoute, on donne, on prend. Il n'y a pas de problème avec ça. Je pense à ça. La semaine passée, il y a certains utilisateurs qui ont rapporté que iTunes Radio a apparu sur leur appareil canadien. On a vu ça. Il y en a un dans notre équipe aussi que ça est arrivé. Là. Je m'entends plus, mais. Oui. Ok. Ouais, bon. Ok. C'est ça. Est-ce que ça se pourrait que c'était comme un signe qu'Apple aurait peut-être quelque chose à annoncer au niveau d'iTunes Radio? Ouais, c'est ça. Ça se pourrait en fait. C'est pas très compliqué d'avoir les droits pour ça. Apple a négocié seulement avec la SODEC. En fait, pour avoir les droits de diffusion, Apple va payer si le prix est juste, puis ils vont essayer de négocier pour ramener ça plus près. C'est ça, parce que si ça l'a apparu, c'est probablement parce que le service était prêt, puis il y a juste une switch là, à mettre... À mettre à on. Uh-huh. Vous allez dans réglages, vous allez dans iTunes pour le monde entier, puis vous switchez à c'est on, ça. iTunes Radio. Mais c'est un genre de service qu'il faudrait qu'il annonce dans un événement comme aujourd'hui. C'est pas un service que tu fais juste lancer sans rien dire. Là. C'est vrai. Tu l'as expérimenté un peu iTunes Radio? Ouais, avec mon compte américain. Là. Puis, qu'est-ce que ça donne? J'aime bien là, la variété de musique. Là. C'est vraiment tout ce qu'il y a sur l'iTunes Store là, qui est vraiment plus varié là, qu'avec Pandora, par exemple. OK. Là. Pandora, tu joues une station, puis là, ça vient vite que c'est les mêmes morceaux là, qui se répètent. Là. Okay. Dans la même soirée, là, tu peux avoir des morceaux là, qui commencent à se répéter, tandis qu'avec iTunes Radio, ça m'est pas arrivé encore, là, vraiment. Là, peut-être comme une fois par jour, il y a les morceaux que j'aime là, qui se répètent. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux soit, mettons, là, si je mets une station comme alternative, je peux soit décider que c'est juste des hits, là, vraiment, là, comme le top 100 là, alternatif, ou bien je peux mettre « Fais-moi découvrir d'autres choses », mettre de la variété, ou bien sinon, mets juste des affaires que tu sais que je ne connaîtrais pas là, pour me faire découvrir là, la nouvelle musique. Mmh, intéressant. C'est le même principe aussi là, de « Thumbs up » et « Thumbs down », comme avec Pandora, là, tu peux éliminer là, des chansons. Là. Ou comme avec ceux qui sont nés avant les années 80, ils se souviennent peut-être de Ping. Ouais. C'est pas vrai, ça fait 4 ans que ça existait, mais c'est mort. Mais j'allais dire, avec toutes les données qui ont été recueillies avec Genius aussi, ça peut aller vraiment loin. Mm-hmm. Moi, je suis abonnée avec grand plaisir et bonheur à Ardio, ou Radio, en tout cas RDO. Si iTunes Radio sort au Canada, là, ça va être... On va se poser des questions. On se pose des questions parce que c'est deux catalogues qui sont très vastes, mais il y a quand même des trous béants dans celui de RDO qui sont couverts sur l'App Store, l'App, iTunes Store. J'ai hâte de voir aussi comment Genius va interagir à la base avec iTunes Radio, parce que moi, l'iTunes Radio, sur mon compte américain, mais je n'ai pas acheté de musique, mais il n'y a pas de recommandation de Genius dans mon compte américain, tandis qu'avec mon compte canadien, mais là, j'ai des centaines de morceaux que j'ai achetés sur iTunes, donc il sait déjà ce que j'aime puis quel style de musique j'achète. Est-ce que ça va mieux recommander la musique là, pour moi là, quand je vais lancer? Et ceux qui sont membres de iTunes Match n'auront pas de publicité, parce que iTunes Radio marche à coup de publicité. C'est ça. Mais ceux qui sont avec iTunes Match vont avoir probablement une sélection encore plus fine, parce que leur musique, même si elle n'a pas été achetée, Apple est au courant de tout ce qu'ils écoutent. Avant de continuer, parce que la présentation va commencer dans à peu près 5 minutes, en parlant de radio, tu m'as rappelé quelque chose. Je vais vous rappeler les commanditaires de l'événement, mais avant, j'aimerais vous dire que maintenant, le podcast Mac Québec fait partie d'une station de podcast. On a joint ça depuis le podcast All Star, et c'est donc la première diffusion qu'on fait sous la bannière RZO Web. Donc, vous pouvez aller sur le rzoweb.com. Moi, je voulais dire Rezo, comme Reza, mais c'est The Reza. mais c'est RZO Web. Et vous pouvez aller là-dessus. Il y a déjà une quinzaine d'émissions excellentes qui sont disponibles. Les Mystérieux Étonnants sont là. Objectif numérique est là. L'épée légendaire, le chac à boisson. Il y a d'ailleurs une excellente recette d'amaretto qui est donnée au chac à boisson. Et au podcast All Star, Mathieu Gosselin a amené de cet amaretto-là qui est fait avec du sucre, de la cassonade, de l'essence d'amande, puis de la vodka. Okay? C'est une affaire, là, ça prend. C'est du ghetto amaretto. Mais il nous a servi ça, en fait, sur Under Rock. Et je te jure, c'est comme des pâtissiers qui coulent dans ta gorge et qui fabriquent des gâteaux en descendant. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. C'était excellent. J'ai perdu mon verre au cours de la soirée et j'ai pleuré le reste du temps, couché en fœtus dans le fond du local de Clic-Pomme. On va vous rappeler, si tu peux me remontrer, en fait, tous les commanditaires qu'on a, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on aimerait remercier Clic-Pomme pour logiciel, matériel, le réseau, la place de la consultation, tout ça. Clic-Pomme, en fait, pour lequel je travaille et qui offre des solutions et services Mac pour entreprises et particuliers à domicile ou en remote. Et vous pouvez participer au concours Clic-Pomme Pimp Mon Mac. Sur le site de Mac Québec. Il y a aussi iRepair Montréal qui nous a donné un bon coup de main pour l'événement. iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnels au 1184 Sainte-Catherine-Ouest, qui vont réparer n'importe quoi sur votre iPod, sur votre iPhone, sur votre iPad, et même, en fait, ils peuvent commander des écrans pour les ordinateurs. On le sait que c'est un prix pas achetable, c'est à peu près... C'est comme le prix de l'ordinateur changer un écran sur un Mac. C'est $850. Donc, surtout si tu vas à Apple Store. Effectivement. C'est un plaisir. Donc, eux, ils vont vous le faire. Très bons commentaires sur le service d'iRepair. Excellent. ReptileTech, si le site web fonctionne si bien en ce moment, c'est grâce à eux. Les gens de Paul Ross et son équipe, en fait, sont excellents. Nous ont sauvé la vie pour l'événement précédent, le 10 septembre. Et là, on s'est jasé, puis on a dit non, nous autres, on a bien aimé ça, fait que on va avec vous. Hugo Bureau, pardon, leader canadien dans la vente de mobilier de bureau en ligne. Donc, vous pouvez regarder sur le site de Nivitié et de Mac Québec, il y a des reviews de leurs produits, des tests de leurs produits faits par Kim Auclair. 3DI pour le prêt de matériel. Il nous manquait une pièce de dernière minute. Ils nous ont sauvé la vie, eux aussi. C'est toujours une affaire de sauver la vie. Tu sais, quand Apple dit une semaine d'avance, on vous invite à un événement, mais nous autres, on se retrouve comme une équipe de Bruce Willis pour aller sur un astéroïde. C'est là, go, demande à tous ceux que tu connais pour de l'aide. Et on remercie aussi Copoli sur le plateau Mont-Royal, qui nous a rempli le bedon avant le show. On vous rappelle que si vous allez faire un like sur la page de Copoli, vous risquez de gagner un an de bon hamburger gratuit. 3 fois par jour, non, je pense pas. Une fois par jour, ça va être assez. Voilà. On est rendu à 2 minutes avant la diffusion. On parle de la charte. Non. C'est une blague. On parle pas de ça ici. Oui, Apple diffuse cet événement pour les 104 personnes qui sont en ligne. Je vais te prendre la petite télécommande. Et vous pouvez voir derrière moi, en fait, il y a un Apple TV et il y a peut-être une icône qui s'est rajoutée sur votre Apple TV. Vous pouvez aller voir, en fait, c'est les feuilles sur le fond, la pomme, là, qui... c'est tellement bien décrit. Sont c'est des feuilles, n'est-ce pas? Des feuilles, des yeux, des... on ne sait pas. C'est des feuilles, c'est l'automne. Mais... Les adeptes de la théorie du complot pensent que c'est une explosion du logo de NBC, la feuille de la queue de pan, pour dire que Apple va comme crasher l'industrie de la télévision. Oui. Oui. Moi, j'adhère à ça. Donc, vous pouvez écouter l'événement. Par contre, ça va être en anglais. C'est pas trop grave. Vous comprenez sûrement. Mais ça va être plate parce que Tim Cook n'est pas super intéressant. C'est pas Steve Jobs. C'est sûr que Eddie Ferenghi et que Phil Schiller font quand même des bonnes blagues. Phil Schiller, un peu amer la dernière fois, est monté sur scène en disant « Can't innovate no more my ass! » tel un Clint Eastwood en furie. Il est tanné de l'entendre qu'Apple innove plus. Apple innove, c'est juste... Juste que, en fait, c'est écrit dans les journaux qu'ils n'innovent plus, fait qu'on a tendance à le croire. Mm-hmm. C'est écrit, c'est vrai. On ne parlait pas de la charte, hein? Non? Mais tout a été écrit là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'à l'écoute de nos trois belles voix, ben, vous allez avoir les blagues et en plus des blagues sur ce qui est moins drôle qu'on s'endort quand Tim Cook parle. Alors voilà. comment on pourrait comparer ça d'écouter juste la keynote? C'est comme écouter un match de curling sans commentaire? Oui, j'aime ça. Ah, oh, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça va devenir le tagline si vous ne voulez pas écouter un match de curling de Apple, écoutez Mac-Québec. Ça va, c'est très bon. Je ne sais pas si on démarre parce qu'il est 13h. On n'est pas supposé le diffuser, fait que je vais mettre ma grosse tête devant pour le cacher. Puis une fois de temps en temps, je vais me tasser. Cache ta partie devant. Oui, c'est ça. Ça, c'est le truc qu'on peut pas skipper au début, là, la vie du FBI qui vont rentrer dans les locales. On est à Verdun actuellement. Tu veux vu? C'est pas nous. On nous a obligés. Alexis, je pense que tu es actif sur Find My Friends. Ils vont te trouver. Ah, ils c'est vont vrai. Te trouver. Je vais aller fermer ça. Oui, leur téléphone, ils ont juste à cliquer dessus puis faire « Trouve le moron ». C'est moi qui va apparaître. On est bien content que vous soyez là, les 106 personnes. On se rend bien compte qu'on diminue votre productivité. J'espère que vous avez prévenu votre patron, ou du moins que vous avez une autre application ouverte en pleine page en arrière. Et rapidement, pour switcher d'une application à l'autre, c'est Altab. Je vous donne le truc. Si jamais le patron s'en vient, Altab, ça va vous sauver la vie. Restez avec nous, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, le truc semble fonctionner. Il y a plus de gens qui se joignent à nous. Un second truc, si vers 15h05, votre employeur vous demande « Ah, t'as-tu vu les nouvelles annonces de Apple? » Et puis vous répondez « Oui », vous venez de complètement vous peinturer dans le coup. Exactement. Donc, la réponse, c'est « Non, j'ai entendu dire qu'il y avait des nouveaux iPads. Je m'en vais m'en acheter un le 31 octobre au soir. » Voilà. D'ailleurs, en fait, on va probablement organiser encore une fois une veille sur le bord du magasin. J'ai déjà vendu mon iPad, donc j'ai le droit d'y aller. C'est ce qui a été déterminé dans la maison. La convention Airlus, celle-ci. Exactement. Oui, j'utilise celle-là. C'est pas les pipo-points, c'est la Airlus chez nous. Donc, on va être en ligne, on va faire une diffusion. Par contre, il faut bien comprendre que la mise en vente risque d'être faite le 1er novembre, ce qui fait que la journée d'avant, c'est l'Halloween. Fait qu'on va être déguisé, qu'on va faire la file. Ouais, c'est ça on va être déguisé avec des turtlenecks, des cols roulés noirs, des jeans et on va trouver une commandite pour des Balance, le modèle de Steve Jobs. Mais probablement qu'on va commencer la diffusion plus vers minuit. On se rend bien compte que c'est plus tard, mais faut que j'aille faire la collecte de bonbons annuelle. Puis je pense que tu te déguises en Harry Potter cette année pour aller passer dans Westmount et ramasser des kilos et des kilos de bonbons. J'ai acheté mon costume au Village des Valeurs hier. C'est plate, un costume de Harry Potter en plastique qui déchire. Là. Kit, là. Bonjour, l'avez-vous au format Wesley? Et là, Tim, qui est en avant puis qui nous décrit qui nous décrit ça. Donc, ça vient de commencer. Et tranquillement, pas vite, on va recevoir les informations. On vous rappelle que vous pouvez vous joindre à nous à la conversation via Twitter avec le hashtag PodMQ. Sinon, je vois que notre nombre d'auditeurs a augmenté. On peut peut-être faire un petit résumé de selon à quoi on s'attend. Vas-y. iPad de 5e génération, iPad mini de 2e génération, un nouveau MacBook Pro avec les processeurs Haswell. Mavericks. OS X Mavericks, qui devrait être annoncé aujourd'hui, et possiblement des nouvelles sur le Mac Pro. Ça devrait ressembler à ça. Ouais. Sinon, en fait, il y a un paquet d'autres rumeurs qui parlent d'une télévision, d'une montre, d'une automobile. il va avoir beaucoup de choses. Tim Cook qui est sur scène et qui nous rappelle qu'ils ont vendu seulement 9 millions de téléphones en 3 jours. Ah. toutes catégories confondues, et donc on ne sait pas si c'est ça. Vraiment l'aide de Fido qui était comme habitude les deux pieds en arrière des oreilles, pas capable de fournir le produit même quand ils l'avaient dans leur backstore. Crashé ben dur. Dans le système de Fido, là, il y avait pas de... Ils ont tous les modèles de téléphone qu'ils ont avec les couleurs, comme une ligne par modèle, mais il n'y avait pas iPhone 5S 32 GB Space Gray. Il y avait tous les modèles sauf celui-là. Ah. Puis c'est celui-là que j'allais acheter. Ouais. Fait que c'est un peu de la faute. Le gars qui a rentré les produits est rentré le Gould, mais il n'a pas rentré... Ouais, c'est ça. Ouais, de notre côté, il y a eu des petits pépins au niveau des IMEI qui n'étaient pas rentrés dans la base de données. Fait que le téléphone était là, le vendeur était là, puis il était « je peux pas te le donner ». C'est super agréable. Moi, j'ai lu sur Twitter, en fait, quelqu'un une petite expérience avec TELUS. La fille, elle commande son téléphone. « Bonjour, je veux un iPhone 32 GB Space Gray ». Et là, il y a l'email de confirmation qui arrive. Votre confirmation pour un iPod 32 GB Gold. Non! À téléphone. Elle dit, non, je vous ai demandé Space Gray. Là, ils font, OK, on ajuste tout de suite. Là, elle raccroche le téléphone. Il y a un email qui rentre. Votre confirmation pour un iPhone 32 GB Gold. Non! Là, elle rappelle une troisième fois. Bonjour, TELUS. Je voudrais... La commande, c'est pour un Space Gray. Êtes-vous daltonien du formulaire? Qu'est-ce qui se passe? Là? Exactement. Troisième email rentre. Votre confirmation pour iPhone 32 GB Space Gray. Yeah! Le gars sonne à la porte, déballe le téléphone. Votre iPhone 32 GB Gold. Et ouais, voilà, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe derrière moi? On voit des images du lancement du iPhone 5S. Oui. Il devrait y avoir des formulaires dans les Apple Store où les employés pourraient suggérer des endroits pour aller filmer ce genre de vidéos-là. Puis nous, comme ça fait à peu près 12 lancements qu'on est là en premier, ils pourraient nous suggérer, là, puis on pourrait apparaître là, dans une des vidéos comme ça. Il me semble qu'on serait dû là, pour ça. Tu sais, les mystérieux étonnants, quand ils font une émission puis qu'il y a un show, il y a un film qui se tourne à Montréal, ils demandent de se faire exploser en arrière-plan. Nous autres, on voudrait juste faire partie d'un vidéo promotionnel d'Apple. Il me semble que c'est pas trop demandé, ça. Hein? On connaît sûrement quelqu'un qui connaît le gars qui s'occupe de faire ces vidéos-là chez Blanc Rouge, mettons. Hein? Donc, C'est le début de conférence normal. Ils font un retour là, sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Effectivement. Puis comme il n'y a pas eu rien d'important, là, d'habitude, ils parlent des nouveaux magasins, des nouveautés là, dans l'entreprise en général, mais là, c'est la grosse nouveauté, le lancement du iPhone. En fait, on sait quelque chose, un bâtiment que Apple va lancer bientôt. C'est une soucoupe volante ou un beigne, c'est selon. Mais la ville de Cupertino a accepté la construction du campus numéro 2. Campus 2, designé par Johnny Ive. Non, je ne sais pas par qui c'est designé. Dans un seul bloc d'aluminium. Imprimé par une imprimante 3D dans l'aluminium. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ce qu'ils disent, c'est que ça va aider à la fluidité, puis le workflow, puis le kit. Ça va créer des airs où les gens vont pouvoir être ensemble. Oui, c'est un rond, tu sais. On va courir en rond. Mm-hmm. Exactement. Puis là, comme, OK, il faut que tu ailles au département de telle affaire. Puis là, tu es comme, non, fuck that, je ne vais pas là, c'est trop loin. C'est... Peut-être qu'il va y avoir des couloirs, par exemple, en dessous, ça mais c'est quand même sphère. Loin. C'est ça, le design. Mais peut-être que chaque étage va être un rond qui tourne sur lui-même. Comme ça, c'est, mettons le bureau de Tim Cook est là au dernier étage. Mais là, il va aller au département du développement de produits. L'étage en bas va tourner, puis il va juste avoir à descendre. Ouais, au lieu d'un ascenseur, un espèce de gyroscope. Mm-hmm. Pendant que Johnny Ive est en train de passer du premier au deuxième étage, de son côté, Tim Cook est en train de faire tourner toute la structure du bâtiment. Malheureusement, notre designer a été scié en deux. C'est un peu de sa faute. C'est lui qui a designé le concept. Alors là, Tim Cook nous commente le pourcentage d'adoption de iOS 7. Bon, moi, je vous dirais... si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça, si vous étiez, par exemple, comme moi, sur un iPhone 4 et que vous êtes passé à iOS 7 et que vous trouvez que c'est un petit peu intense, vous avez raison. Mais reste que c'est un pourcentage d'adoption qui est assez impressionnant c'est pour le court délai qu'il y a eu. Windows 8 n'est pas rendu à ça. Là. Non. C'est ça, j'ai entendu dire que c'était plus petit le pourcentage d'adoption d'iOS 7 comparé à iOS 6. C'est ouais. vrai, hein? Mm-hmm. Oui. Moins rapide, mais c'est probablement à cause de justement le fait qu'il y a certains appareils sur lesquels on peut installer iOS 7 et que c'est pas une bonne idée d'installer. Non, et puis ben aussi, ça s'est discuté, puis c'est très vrai, il y a des petits glitches visuels qui demeurent, là, des choses qui pourraient avoir été habitué aux interfaces usagées d'Apple depuis des décennies. Ça m'étonne d'avoir un bug sur l'icône de batterie. Là. C'est rien, là, c'est une icône de batterie, puis on voit quand même, là, mais... Mm-hmm. Ouh, moi, c'est des petites choses qui me font grimper des rideaux. Moi, j'imagine Johnny Ive qui est en train de se ronger les ongles jusqu'au coude, de dire comment ça se fait que c'est sorti comme ça. Là. Ben, je veux dire... Moi, ça me dérange pas. Je l'ai installé depuis le 10 juin, puis que mes emails rentrent tout croche, que ça plante ou des trucs comme ça, avant une Goldmaster ou avant le lancement officiel, j'ai pas de problème. Par contre, j'ai des reboots de mon Springboard, qui est l'écran d'accueil. Relativement souvent, quand je commence, ça arrive qu'il accroche. Et ça a l'air, en fait, qu'il y a différents bugs dans l'appareil qui sont peut-être difficiles à surpasser. Entre autres, il y a le niveau. Il oui, y a un niveau maintenant qui est caché dans la boussole et il semble que les capteurs qu'Apple a utilisés soient un peu plus cheap et que l'appareil soit un peu canté. Tu tiens l'appareil comme ça puis tu vois le... T'es dans un jeu qui utilise le niveau puis ça fait ça comme ça, là. Non, ça marche pas, ça. Bon, en même temps, je doute qu'il y ait des gens qui aient construit des maisons avec un iPhone comme niveau de type professionnel, mais quand même, c'est un peu dommage et c'est pas si facile que ça à calibrer par la suite. Il aurait fallu que ce soit calibré en industrie. Alors là, on nous montre iBooks. Je présume que c'est en lien avec Maverick, ben, en fait, là, on nous passe... C'est iPhoto, on est passé. Ben, on a vu iBooks pendant 3 secondes et quart. OK. Donc là, ils nous parlent de iPhoto autant sur iPhone, sur iPad que sur... Ils font juste un espèce de review, là... De où ils sont rendus, là, puis là, après ça, ils vont tomber là, dans les annonces. Là. Dans les vraies annonces. Par quoi vous pensez qu'ils vont commencer? J'irai avec le iPad carrément dès le début. Moi, je pense que c'est le la grosse annonce, ça va être la grosse annonce aujourd'hui. Oui, puis je pense que s'ils veulent que ça discute de l'OS, qu'on parle de la mise à jour de l'OS, ils ne peuvent pas commencer avec ça. Le bonbon, c'est l'iPad. On vous rappelle en fait que s'il y a quoi que ce soit comme produit qui est lancé aujourd'hui, vous êtes mieux d'avoir déjà le doigt sur l'endroit, sur le App Store où est-ce que vous pourriez le télécharger parce que vous allez avoir à peu près une fenêtre de 30 secondes pour être les premiers à le télécharger. Après ça, le store va se crasher sur lui-même et à partir de demain, on va pouvoir recommencer à avoir... à retélécharger. Donc, c'est normal si vous avez des messages d'erreur bizarres ce soir, si Maverick sort, par exemple, et que vous voulez le télécharger. Ils vont commencer à parler de OS X. Ils vont commencer par OS X. Bon. Ah, bon. Intéressant. Eh bien, la vague déferle. J'imagine qu'à l'heure qu'il est, le NDA doit être levé, vu qu'ils sont en train de... C'est pas encore lancé. Le NDA va être levé quand ça va être sur l'App Store. Oui. Oui, mais ils n'ont pas la même heure que nous autres. Là. On pourrait en parler un peu. En fait, les grosses annonces de Mavericks ont toutes été annoncées à la WWDC du 10 juin passé. Ouais, on peut présenter ce qui est annoncé. C'est ça. Ces fonctionnalités-là. Sinon, il y a des petites subtilités qui ont été ajoutées. Récemment, nous, on a essayé Server pour 10.9. Le lancement, en fait, de l'application est très intéressant là, pour démarrer un serveur. C'est quand même assez facile à prendre en main, plus qu'avec 10.8. Il n'y a évidemment pas de nouveauté de ce côté-là. Peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui font de la vidéo, un petit point à se souvenir. QuickTime ne sera plus supporté dans 10.9. Donc, tous les gens qui utilisent jusqu'à maintenant Final Cut Pro 7 ne pourront pas l'utiliser sur 10.9. Il va falloir impérativement passer à 10 points, à Final Cut Pro 10. Et si aujourd'hui, il y a un Mac Pro qui est annoncé, il y a aussi un Final Cut Pro 10 qui est supposé être annoncé. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles fonctionnalités? Est-ce que ça va être Final Cut Pro 10 point quelque chose? Ou est-ce qu'on s'en va vers une toute nouvelle version? Oui, encore une fois. Ou simplement quelque chose qui est optimisé pour prendre le maximum de la puissance du Mac Pro. C'est probablement là, plus vers ça qu'on s'en va. Donc, on est en train de nous parler dire... des domaines là, d'amélioration là, dans Mavericks, là, présentement, qui ont présenté l'efficacité énergétique. C'est un gros point de Mavericks parce qu'on a, sur certains appareils, jusqu'à une heure de plus de batterie quand même. Et pas juste sur les derniers modèles, mais vraiment sur... Oui, on recule dans modèles. La gamme. Là. Exactement. Oh. Donc, ça donne un coup de jeûne à votre batterie. C'est quand même pas mal intéressant. Ça fait 2-3 ans là, qu'Apple fait ça. C'est vraiment plus des grosses fonctionnalités wow là, dans les systèmes. Là. Ils vendent plus qu'ils ont 600 innovations logicielles. C'est vraiment le plus spécifique, le plus... Oui, ben en fait, l'idée, c'est de dire... On va faire une mise à jour que, à moins d'être illogique, tu vas la vouloir. C'est ça. Qui veut pas une machine plus puissante? T'achètes ça, ta machine est plus puissante. Ah bien. Puis je dis achète, on en discutait tantôt. Alexis, toi, t'as l'impression que ça va être une mise à jour qui va être gratuite. Moi, j'ai l'impression que ça va être à prix très, très modique. Jean-Michel, comme un peu à prix plus que modique, mais pas gratuit. Donc, je sais pas, les paris sont ouverts. Donc, the actual retail price is 0,99$, mettons 19,99$. Ouais, 19,99$. Ouais. Peut-être... Comme j'avais dit, le 19, mais ça va venir avec d'autres choses. Ça vient, on sait déjà que ça vient avec d'autres choses. Il y a Maps qui va être, qui va être inclus. Non, mais je veux dire, là, peut-être on parlait de iPhoto, puis iWork, iLife iWork, qui pourrait peut-être devenir gratuite, à l'achat de OS X Mavericks. Ça serait intéressant. 20$, mais avec des logiciels qui, jusqu'à maintenant, se vendaient 15$ sur la 15$ chaque. Ça fait une valeur quand même. Ça serait supporté avec des in-app purchases. Là, maintenant, on sait là, qu'ils veulent lancer GarageBand gratuit sur iOS, mais on pourrait acheter là, des choses dans GarageBand, donc ils rentabiliseraient. Des leçons de Sting qui nous apprend à jouer Roxanne à 99$, la leçon en 99 étapes. Wow, je veux ça. Donc, on est en train de nous parler de Maps. Maps, qui est une nouvelle fonctionnalité, moi, en fait, que j'ai utilisée quelques fois, qui est la possibilité d'envoyer ton itinéraire à ton iPhone avec la fonction partage. C'est vraiment intéressant. Si en fait Maps a trouvé l'arrivée, où est-ce que tu voulais vraiment aller pour de vrai, ça marche quand ça marche, c'est ça. Avec Google Maps, c'est une affaire similaire quand même, là, parce que quand tu es connecté sur le même compte, sur ton ordinateur et sur l'application iOS, dans l'historique, mais là, mettons, si tu cherches un trajet entre chez vous et Québec, ben, quand tu vas arriver sur ton application iOS, dans l'historique, ben, tu vas avoir chez vous à Québec là, en premier. Tu vas savoir à le rouvrir. Ça va être intéressant de voir aussi à quel point ils vont aller un peu dans le sens de ce qui se voit sur Android avec Google Maps. Ou est-ce que, tu es en train de partir de la maison? J'ai l'impression que tu aurais peut-être le goût d'avoir l'horaire des autobus. Ben oui, c'est ça. C'est vrai. Ils ont déjà ça au niveau... dans le Notification Center. Ça ils ont déjà... Okay. Bon, si tu veux te rendre à ton rendez-vous qui est tout de suite après... Pars maintenant parce que le trafic il est comme ça, puis parce que c'est censé prendre tant de temps avant d'arriver là. Je regarde rapidement, en fait, s'il y a des trucs sur PodMQ. Il y a Nicolas Bissonnette qui dit que ça doit être une annonce de iSpaceship. donc, oui, le campus numéro 2 qui arrive. Il y a Mathieu Marano qui nous salue. Apple Keynote au travail avec Mac Québec et le Ron Fournier du Mac. Je pense qu'il parle de moi. Alors, en fait, les amateurs de Mac Bonsoir étaient inspirés par Ron Fournier. Ouais. On peut le rappeler à nos 104 auditeurs présentement, s'ils veulent communiquer avec nous sur Twitter, le faire avec le hashtag PodMQ. Voilà. On annonce quoi? On fait décoller le campus numéro 2 présentement. Non, on est dans iBooks. On est dans l'intégration de iBooks qui passe maintenant à l'OS aussi là, de manière... Je pense qu'ils sont en train de montrer les fonctionnalités de tagging aussi dans Mavericks qui sont intéressantes. Que j'ai commencé à C'est-à-dire que j'ai commencé à taguer mes documents, mais je n'ai pas utilisé de tag pour les chercher. C'est des fonctionnalités, en fait, qui étaient disponibles avec des third party, des logiciels third party. Puis, ce n'était pas des logiciels nécessairement très populaires. Le fait que ce soit ajouté au système d'exploitation, il y a peut-être une adoption plus grande qui va se faire ou si Apple développe d'autres services par rapport à ça. Mais pour l'instant, tiens, quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que j'étais en train de faire aujourd'hui. c'est ça, ils vont l'intégrer, mais ça ne sera pas super gros utilisé tant qu'à moi. Bien, il faut voir, parce que je pense qu'il y a une place pour quelque chose entre Spotlight puis EndNote là, pour être capable de colliger des références puis ressortir des documents, mais est-ce que c'est vraiment... C'est pas, pour toi, c'est pas Evernote qui serait capable de faire ça? Ben, tu pourrais le faire dans Evernote aussi. Oui, c'est sûr, si tu veux des clippings, c'est différentes choses, mais je le pensais plus comme pour le milieu académique. Là, OK. Parce que je l'ai vu pousser beaucoup pour le milieu académique en disant, ben on a nos manuels sur iBooks, on les a dans le store, donc... Mais il faudra voir. Ça, ça dépend aussi de ce qui est disponible en langue française, de ce qui est disponible. Toi qui es beaucoup dans ce milieu-là, est-ce que iBook a été adopté au Québec ou c'est une solution ça, parmi tant d'autres? Ça, c'est la question qui tue. Puis avec les annonces d'aujourd'hui, c'est assez névralgique aussi. Il y a un parc qui commence à être installé dans certaines commissions scolaires, dans certains établissements scolaires privés. Mais il n'y a pas, vraiment d'une poussée concertée vers ça. Donc, il y a certains établissements qui l'ont vu. Les éditeurs scolaires, il y en a qui sont rendus à offrir des PDF de ce qui existe déjà. Il y en a qui sont rendus très loin à ajouter intégrer, par exemple, des modules 3D dans un manuel de physique, puis le module... Donc, on est un peu entre les deux. Je trouve que c'est les étudiants qui ont le bout du bâton le plus court là-dedans, parce que on a des ressources qui seraient très, très simples à développer, à mettre ensemble. Puis c'est pas fait. Donc, ce qui existe sur le iBook Store en français, de ce que j'en ai vu, puis là, c'est sous toute réserve, j'ai pas regardé à la rentrée, puis je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui poussaient vers ça, mais sous toute réserve, c'est une offre qui est assez mince. Puis il y a beaucoup d'éditeurs scolaires qui ont leur propre boutique en ligne avec leur propre solution, puis là, il y a des choses qui sont basées sur Flash, des choses qui sont basées sur HTML5... On est moins là. Puis c'est dommage parce qu'il y a des écoles qui se sont équipées en iPad 2, par exemple, puis ça dort dans une bibliothèque. Ah, voilà, c'était ma larme du jour. En espérant que les annonces d'aujourd'hui aident un petit peu à amener la technologie dans les classes de manière intelligente. Depuis intelligente, vraiment, dans le sens que ça soit pris en main, que les jeunes n'aient plus l'impression qu'ils sont sur Internet à l'école, mais c'est comme pas le vrai Internet. Là. C'est déjà entendu souvent celle-là. Ah, ben, c'est Internet à l'école, c'est poche. C'est pas le même Internet qu'à la maison. Oui, il y a des Sauf raisons pour ça. Sauf quand ma mère m'enlève le password du Wi-Fi, puis j'ai pas fait ma chambre. Ah. C'est vrai, je vais commencer à faire ça à un moment donné. Hein. Mm. Il y a mon fils qui vient me voir, il y a 4 ans, il a l'iPad dans les mains, puis il y a l'invite de Netflix qui est là, tu sais, puis papa a des prérogatives monétaires qui font que Netflix a pris le bord pour l'instant. Puis lui, il est là, il me regarde avec ses petits yeux, puis il fait comme, « Dude, pourquoi ça marche pas? » Les saisons de Spider-Man, je fais quoi, là? Sonic, là? Hein? C'est très, très drôle. De quoi on nous parle en ce moment? On est dans Calendar. Et ça, moi, j'allais dire qu'il n'y a pas de grand-chose d'excitante dans ma vie avec ça, mais pour étant une utilisatrice de Fantastical par dépit, là, je suis tellement contente de ce que je vois avec ce qui s'en vient dans Calendar. Là, qui permet qui permet... Vous voyez, là, on a l'intégration de Maps au Calendar. C'est un peu ce que tu racontais tantôt. Oui. Coil Tower, intéressant. mais qui nous permet donc entrer des itinéraires, d'avoir une application qui n'est pas comme une espèce de petite boîte qui sert à rien sur ton Mac, que tu dis ben là, mes calendriers sont sur Gmail, puis je me servirai pas de ça parce que c'est pas beau, puis ça marche pas. Ça a l'air d'être très, très puissant. Puis bon, là, on a l'itinéraire avec... Craig's iPhone. Pardon. Donc oui, on est capable de faire des itinéraires, mais il a montré des trucs que je suis pas certain d'avoir vu. Moi, j'ai pas trop joué avec, mais je sais pas s'il y avait pas des trucs en hauteur que le processeur M7 pourrait faire éventuellement. Éventuellement, là, mais pas maintenant. Je pense pas que c'est encore intégré. Donc on voit la démonstration est finie, on va probablement avoir des informations là, sur. Au niveau du prix? Au niveau du lancement là, en premier, là, ou des détails. Ouais. Il y a plus des nouveaux détails, là, finalement. S'il le lance aujourd'hui, bien d'ici la fin de la journée, les quelques chanceux qui l'auront téléchargé auront un nouvel ordinateur. On entend du son en arrière? Non, tu voulais tester de quoi? C'est bon. Voilà. Donc, dépêche-toi, Craig. On veut savoir le prix. Là, présentement, ils font une récapitulation là, du fait que... OK. Alors, ils ont, que c'est en digital seulement, et puis ils viennent d'annoncer que Mavericks va être gratuit. Ah! Who win? Mavericks est gratuit. Bon. Donc, si on avait JF avec nous autres aujourd'hui, je vais essayer de faire ma meilleure imitation. Gratuit! Les aiguilles viennent de péter chez vous. Je vous comprends. Je suis désolé. Oh. Bon. Alors, on n'a pas perdu trop d'auditeurs. J'avions donc raison. Il va avoir le temps de se pratiquer pour le faire lui-même. Il va le faire ce soir, à compter de 20h15. Alors, 21h15, ouais. Oui. Le beau, aftermath. Plus beau, plus puissant, plus d'autonomie de batterie ou gratuit. Bon, ben à date, je dirais que ça va bien. Cette annonce-là, hein, ça pourrait être pire. Ben, c'est parce que avec le nombre de choses qu'ils risquent d'annoncer aujourd'hui, je veux dire, votre portefeuille a déjà été touché. Dans le fond, j'économise pas 29$, là, d'aucune manière. Donc, les gens vont pouvoir le télécharger gratuitement à partir d'aujourd'hui. Et puis, tous ceux qui peuvent installer Mountain Lion sur leur ordinateur peuvent aussi installer Mavericks. Excellent. Donc, je vous l'avais dit, c'est parce que je suis le pape du Mac, fait que je vous donne le nouveau système d'exploitation. Ah. Tellement plein de lui-même. Je suis contente que Craig t'ait écouté. Ben, c'est parce que moi, je suis connecté en direct avec les voix de Steve Jobs qui sont impénétrables. Tu as tweeté au pape, toi. Tweeté au pape, d'accord. J'ai tweeté au pape, je lui ai dit, il y a un ou deux qui est trop ici. Dégage. Puis c'est ça qu'il a fait. Il est parti. Je me souviens plus si c'était à Benoît que j'avais fait ça. Il est mort, Benoît. Hein? Ouais. Je n'étais pas là. Je n'ai pas écouté. Il n'est pas mort. Non, il est caché. OK. Il est caché, oui. C'est un truc il est allé au Venezuela avec les autres. Ben, il y a eu comme des scandales, hein? Puis ils l'ont caché. En gros, c'est ça. Il est arrivé, c'est comme ils ont squirté un fichier, puis il est parti. On va prendre ton signe ostentatoire, mon Ben. Voilà, c'est ciao, bye. Donc là, on a fini de parler de OS X Mavericks. On tombe tout de suite là, dans MacBook. Oh, intéressant. Puis on vient de rappeler qu'au WWDC, il y a eu le lancement du MacBook Air avec la batterie qui dure toute la journée. Mm-hmm. Processeur Haswell aussi, il y a ça là-dedans, oui. Oui, bien, c'est à cause du Haswell que la batterie dure toute la journée. Mm-hmm. Une autre prédiction que je fais, j'ai comme l'impression que le bon vieux MacBook Pro avec un lecteur de CD, on va lui dire ciao, bye aujourd'hui. C'est un ordinateur que Apple ne sait plus trop où placer. Et d'après moi, leur technologie de Retina Display est assez maîtrisée pour ramener les Retina au niveau des prix du MacBook Pro. Donc, premier ordinateur MacBook Pro Retina autour de 1 800 $ tant qu'à moi, ou en bas de la barre des 2 000 $. C'est combien présentement? Je pense que c'est 2 200. 2 200? Oui, 2 249, quelque chose comme ça, il me semble. Mm-hmm. Donc, c'est 2 249. Présentement, ils sont en train de montrer. Là, c'est ce que le nouveau... Là, le nouveau 13 pouces va avoir l'air. On dit qu'il est plus léger, plus mince. Pro 3,46 livres. Il est de 0,71 pouces. C'est presque un MacBook Air. Je ne sais pas comment ils vont le délimiter parce que cet appareil-là n'a pas de... c'est un processeur qui est plus puissant que le MacBook Air, si on s'entend, mais il n'y a pas de carte vidéo à proprement parler là-dedans. Mm-hmm. On sait qu'avec la Haswell, la carte vidéo intégrée... Oui, une optimisation... Je ne me souviens plus, c'est Mercury que ça s'appelle? Ouais. Quelque chose comme ça? Mm-hmm. Ben là, ça? Il parle de Iris par Intel. Oh, c'est ce qui vient d'être annoncé. Okay. Il y aurait des graphiques Iris par Intel. C'est probablement la carte 5100 qui est indiquée, mais on n'a pas de détails encore plus. Bon. Pas plus de détails. 9 heures sur un MacBook Pro 13 pouces. C'est quand même intéressant là, pour une machine. Up to 90% faster. Faster than what? C'est les graphiques, la carte Iris, là, justement, qui vient d'être annoncée. De la génération précédente, de. Du premier modèle de e-book qui ont sorti. Qu'est-ce qu'il y avait comme carte graphique? C'était là, la 4000, Intel 4000. C'était pas si performant que ça. Ça permettait de regarder du 1080p confortablement, jouer à quelques jeux vidéo en vue isométrique. Oui, c'est ça. Mais même Diablo 3, on en reparlera. Donc, ouais, mais on voit qui veut jouer à Diablo 3? Ça, c'est un autre débat. Hein? On voit derrière nous, justement, là, la durée de vie de 9 heures, c'est en regardant un film sur iTunes. Parce que c'est pas 9 heures avec l'écran à moitié éteint. C'est 9 heures en utilisation, en écoutant du HD. Ouais. C'est quand même, ça, là, ça devient intéressant. Parce que si on fait juste aller sur Internet, ça va probablement être encore plus là, que 9 heures. Oui, on pourra enfin dire qu'on a une machine portable à laquelle on part de notre maison le matin sans amener le chargeur ou avoir le chargeur au bureau, mm-hmm. ou en tout cas être pris dans un 4 chargeurs pour un ordinateur. Là, mm. c'est... Puis comme il pète qu'on va souvent... qu'on va pouvoir se permettre d'écouter un film, sur du dîner, d'aller faire d'autres choses que juste du traitement de texte la journée pour conserver... Un petit fun fact, ils ont dit, c'est le fun, justement, tu vas pouvoir écouter des films comme Batman, The Black Knight. Donc, Phil Schiller s'est trompé sur scène. C'est bien The Dark Knight, mon film. Mais ils sont à Cupertino, Batman étant... à un match de football à Gotham. C'est ça les dernières images qu'on a vues de Superman versus Batman. Pas eu de détails sur l'écran, par exemple? Si c'était un Retina? Ouais. Ben, ah, Retina, oui, 1299. Ouais. Ils ont baissé le prix de 200$. Pour le prix d'entrée du Retina? Pour le prix d'entrée du 13 pouces, c'était 1499. Avant, c'est rendu 1299. Puis ça inclut un écran Retina. Donc, s'ils commencent par nous annoncer ça, c'est parce qu'il n'y aura pas de bas de gamme, il n'y aura pas de non-Retina. Donc, c'est la mort. C'est la mort du MacBook. Vous l'avez dit. je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui est quand même rendue sur YouTube à 200 quelques mille views. C'est un gars qui design au complet et en 3D un iPhone avec iOS 7 du début à la fin, simplement avec Word. Et c'est complètement cinglé comme, comme truc. Le gars est indien. Si je ne me trompe pas, je l'ai tweeté ou retweeté hier, mais c'est une vidéo de 15 minutes. Il fait chacun des icônes, une boîte rectangulaire avec les angles ronds. Il joue avec les gradients à l'intérieur de ça. Il fait toutes les lignes. Il va chercher tous les logos dans des fontes Webdings ou des trucs comme ça. C'est hallucinant. Et à la fin, il y a un iPhone en vue, pas de face. Il le met en 3D et avec l'épaisseur, les boutons, c'est cinglé. Donc, je le retweeterai à la fin du show, mais la vidéo est vraiment, vraiment trippant. Puis là, ensuite, il prend son fichier, il fait sauvegarder en HTML et ça fait 239 MB. Bon, alors 15, puis là, ça ne tient pas sur Internet. Bon, le 15 pouces, tu vois, démarre à 2000$. Encore une baisse là, de 200$. C'est... On voit là, si on voit en revue là, les nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées. On a une durée de vie de batterie de 8 heures. Quand même. C'est ouais, l'écran, bon, l'écran est plus gros. Il y a plus, en plus, il y a une carte graphique dédiée là, dans le modèle 15 pouces qu'il n'y a pas dans le 13 pouces. On a la capacité 802.11ac, donc pour aller avec les nouvelles bornes AirPort Express qui ont été annoncées en juin. Disque SSD PCI Express, donc avec une vitesse de transfert de données élevée. Et puis, le modèle de base est livré avec un processeur 4 coeurs i7, 8 GB de RAM, un disque dur SSD de 256 Go pour 1999$. C'est une machine de base qui est intéressante à ce prix-là. La qualité de l'écran, moi, c'est ce que j'ai, un Retina. Mm-hmm. Puis c'est une machine vraiment très, très solide. C'est excellent. Donc, c'est intéressant qu'ils sortent ces machines-là. Est-ce que la carte vidéo a été updatée? J'ai pas le détail. Technologie Iris Pro, mais j'ai pas vu. C'est GeForce GT750M. C'est la même chose, je crois. OK. Puis là, on voit un Mac Pro derrière nous. MacBook Pro. Ils Mac sont Pro. Tellement beaux. Mac Pro. Oh, Mac Pro. Mac Pro. Ils vont vite, hein, quand même. Mavericks gratuit, les ordinateurs à 200$ de moins. Donc, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir une petite pièce de résistance de plus qu'on croyait parce que c'est très rapide. Ouais. Ça fait une demi-heure que ça a commencé. Ouais. D'habitude, c'est plus le rythme, mais beaucoup moins. C'est comme si c'était Noël. Bon. Oui, sauf que c'est nous autres qui sommes obligés de donner nos composants. Alors, bon, ça met les choses en perspective. Là, pour ceux qui n'avaient pas vu les visuels du Mac Pro, on l'a vu à côté de l'ancien et le nouveau. Tu vas au cinéma et Apple a payé, puis il y a des annonces du Mac Pro au cinéma, puis t'es comme, je veux voir ce film-là. C'est juste malade, la chanson. Ben, il te montre les courbes comme si c'était un char, comme si c'était une Ferrari. Mm. Elle est cinglée, l'annonce. Au dernier podcast qu'on a fait, on avait un invité qui était là au WWDC dans la salle pour le keynote, puis quand ils ont présenté la vidéo, là, ils ont fermé les lumières, puis c'était noir, puis t'avais le vidéo concert, puis là, tout le monde regardait ça les yeux grands ouverts, là. puis ils se sont réveillés un peu après. On nous parle que le Mac Pro va être disponible avec des processeurs Xeon E5 de 4, 8 ou 12 cores. 12 cores. 12 cores. 12 cores. C'est tout ce qu'on a à dire, 12 cores. Il y a de la mémoire 1866 DDR à l'intérieur de ça. C'est comme de la mémoire excessivement rapide, on oui, s'entend. Oui, c'est... Il y a une carte vidéo AMD Fire Pro Duel, 384 bits de mémoire Blues. C'est quoi ça? Ça n'a jamais été dans un ordinateur que c'est ça. Avec jusqu'à 12 gigs de mémoire DDR5 sur la carte vidéo. 12 gigs de mémoire. Juste la carte vidéo. Là. J'aurais envie de texturiser la ville de Montréal. Play. Et voilà, c'est fait. Du storage en flash jusqu'à 1 teraoctet, 1 terabyte, mais c'est une carte flash. C'est quand même impressionnant, mais la technologie ne va pas vraiment à plus que ça pour l'instant. Non, là, pour puis les on disques. S'entend qu'il n'y a pas si longtemps, un TeraStation qui était gros comme le Mac Pro, c'était 2 tera, puis on trouvait ça très normal. Mm-hmm. Ouais. Ça va tenir... donc Thunderbolt 2. Oh. Thunderbolt 2. Ça supporte jusqu'à 3 écrans 4K. Oui. Mm. Ça, je ne sais pas comment on peut faire le calcul de la résolution, mais c'est beaucoup. 4000 pixels. Bon, regarde, 12 000 pixels. 12 000 cas. Ouais, mais 12. Ouais. En tout cas, donc, tout ça pour dire que la télé que vous avez présentement, celle que vous allez acheter dans 2 ans, celle que vous allez acheter dans 5 ans, il peut les faire rouler en même temps, les trois. Voilà. Il y a aussi du HDMI out sur l'appareil en version 1.4, donc toujours pratique. 4 ports USB 3. Il y a 6 Thunderbolt sur l'appareil. Donc, on sait que le Thunderbolt, on peut y rajouter beaucoup d'adaptateurs, que ce soit Ethernet, que ce soit du FireWire. Lots of ports on all. Ils ont utilisé la mention Darth Vader ou c'est Engadget qui utilise... Derrière nous, on a... Ça va être Engadget. J'ai mis sur pause là, derrière nous. Là, on voit un aperçu là, du derrière là, du Mac Pro où il y a les ports. Donc on voit là, tout ce qui est disponible là, sur l'appareil. C'est quand même un ordinateur qui est destiné ou en fait que Apple destine à être un serveur parce qu'on remarque qu'il y a 2 ports Ethernet sur l'appareil et ces 2 ports-là servent à transformer l'ordinateur en serveur DHCP ou en serveur DNS. Donc, on fait rentrer la connexion Ethernet là-dedans et lui est capable de le servir à une switch pour fournir votre bureau. Le 4K, si je ne me trompe pas jusqu'à maintenant, Jason, on t'a pas mis le micro, mais si je ne me trompe pas, et je ne sais pas si tu es familier avec ça, mais c'est très, très difficile de faire du montage 4K actuellement. Il n'y a pas beaucoup de machines où il faut avoir des machines qui sont extrêmement puissantes pour le faire. Donc, en général, on parle toujours d'avoir une machine avec 6 cœurs par machine. Présentement, sinon, on est obligé de travailler avec des proxys. Nativement, c'est sûr que il y a certaines machines qui le font, mais je pense que l'idéal, le Mac Pro va sembler destiné à ça, de base, là, sans accélération graphique quelconque. Mais je suis vraiment curieux, je suis un peu sceptique. Le 4K, c'est pesant. Ouais. On va voir ça. On aimerait avoir vos commentaires sur la timeline de Mac Québec avec le hashtag PodMQ. Combien vous seriez prêt à payer pour un Mac Pro? Est-ce que vous en avez l'utilité? Combien vous pensez que c'est capable de faire de framerate par seconde à Counter-Strike? Toutes des questions importantes dans la vie. Ça fesse, par exemple. Ouais. Donc, on vient d'annoncer le prix. Le prix va être de base pour l'ordinateur, donc on est capable de le monter. Le prix de base est de 3000 $. On ne sait pas c'est quoi la configuration de base. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Ça va apparaître là, derrière nous. On est un petit peu en retard dans la présentation. Donc, un quad-core 3.7 GHz avec 12 GB de mémoire. Le Dual-Fire D300 avec 2 GB de mémoire vidéo dessus. Et un SSD de 256 GB. Tout ça pour 3000 $, c'est quand même très acceptable. Oui, comme oui, oui. Comme je dirais qu'au niveau de la création de besoins, c'est un prix qui fonctionne très, très bien. Au niveau du Door Crasher, là, celui qui fait rentrer... Ça ressemble à quoi, le prix de base d'un Mac Pro actuellement? C'est ça. Moins performant, c'est beaucoup moins... Effectivement, celui-là est censé être au minimum, là, puis c'est des benchmarks qui datent quand même un peu après l'annonce, donc de juillet. Mm-hmm. Ce serait un ordinateur qui, à ce moment-là, ne devait pas être optimisé comme celui-là. C'est ça. Qui était déjà deux fois plus puissant que le Mac Pro actuel. Donc, à 3 000 $, là, c'est excellent. À date, c'est une très bonne keynote pour Apple. On n'a pas regardé le prix de l'action. Ben moi, j'allais regarder au début. Oui, là, quand on a commencé, c'était à 500 quelques dollars. Je sais que je retrouve mon curseur. C'était à 518,33 okay. quand on a commencé la diffusion du podcast. Puis là, c'est rendu à 518,83. 518,83? Oui, ça a augmenté là, de 50 sous. OK. On va voir. C'est pendant la keynote. On va voir après, là, ce soir, là, de quoi ça va avoir l'air. Et puis, on a la confirmation ici que le Mac Pro là, va être assemblé aux États-Unis. Oui, puis qui est très silencieux. On comparait le niveau sonore avec le Mac Mini. Moi, je pense que pour une entreprise qui fonctionne avec un petit Mac Mini fatigué puis qui a les moyens de mettre un petit peu d'argent dans ses immobilisations, on parle d'une option qui est fantastique avec le Thunderbolt. C'est très évolutif, là. C'est... Mm-hmm. Effectivement. Puis on est très content, je pense, chez Clickpom. Je vais vérifier après, là, mais j'appellerai Bernard et Jean-François pour l'aftermath. En fait, on va manger des ailes de poulet, ben chez eux, après le show. C'est invité, d'ailleurs, si tu veux. D'accord. Alors, si vous voulez des ailes de poulet, non. L'adresse de Jean-François est le... Donnez-y votre numéro de téléphone. Vous envoyez une photo de boîte d'ailes de poulet hors contexte, là, comme ça. Donc, on récapitule. En fait, Maverick gratuit, disponible aujourd'hui. Mm-hmm. MacBook Air Retina à 999 qui avait déjà été annoncé, mais MacBook Pro Retina 13 pouces à 1299 et MacBook Pro Retina 15 pouces à 1999. Et là, on vient d'annoncer le Mac Pro à 2999. À date, Apple fait un sans-faute, là, mm-hmm. tant qu'à moi. Là. Ouais. C'est vraiment très... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une keynote comme ça, là, qu'il y a beaucoup de produits qui sont annoncés, puis il y a une grosse variété. Là, ils n'ont pas parlé d'iPad encore. Oui, puis qu'on ne sent pas une espèce de... Oh, ça, il fallait bien remettre, monter, reniper la gamme, là, mais on va le mettre avec d'autres affaires, puis ça paraîtra pas. Là, c'est ça. On peut peut-être continuer. Est-ce qu'on a dit si les logiciels allaient être gratuits? Non, il n'y a pas eu encore. On n'a pas dit ça. Non, on nous a montré que c'était sérieux pour le monde de la musique, c'était sérieux pour le monde du cinéma. Ben, le fait... On ne nous a pas dit pourquoi encore. Le fait, tu parles des logiciels, comme tu avais dit, les logiciels professionnels. Oui. Je pense pas. Donc, non? Non. Pas à ce prix-là. Non, ah, t'as raison. Non, effectivement. C'est vrai. C'est vrai. Si Apple n'aurait pas pu offrir ça à un prix. N'aurait pas eu la possibilité de. En tout cas, non. D'offrir ça à un prix aussi bas, là, comme 2999, il aurait dû compenser peut-être par quelque chose. Si ça aurait été vendu 4 000 $, là, je ne dis pas. Là, mais à 3 000 $, c'est vraiment impressionnant. On pensait plus de l'ordre du 4 000, oui. Comme le prix d'entrée de gamme. Donc. Oui, non, on est vraiment dans le prix où un particulier... Il va parler d'application, le Phil Schiller, c'est pour ça qu'il est sur la scène. On a un petit peu de retard là, dans la diffusion derrière nous, là, mais... Mm-hmm. C'est le prochain point qui s'en vient. Excellent. J'étais à peu près une demi-heure en retard dans le live feed ici, en tout cas. Ah, ben, je dirais, quand on dit c'est Noël, là, pour les fans du Mac, Apple et le Mac, c'est plus... Apple, c'est la compagnie du Mac, mais c'est plus la compagnie du Mac. C'est plus leur produit fort. Fait que de voir que le niveau de soin qui a été mis à cette nouvelle mouture du Mac Pro, ça fait quand même du bien. Là. Mm. De voir le niveau de soin aussi qui a été mis au nouveau portable, là, c'est... On dit, vous pouvez acheter un portable Mac ou une boîte carrée, une autre boîte carrée. Un Toshiba. Qui veut qu'il y a 4 heures de batterie sur une bonne journée quand vous n'utilisez pas le lecteur de DVD, qui est encore un lecteur DVD pour pogner la poussière puis faire que l'appareil va briser en 2 ans. Donc, voilà. Puis que si tu l'échappes, il va éclater en morceaux. Ouais. On est en train de parler de iLife. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle version de iLife aujourd'hui? Probablement, parce qu'ils ont dit que ça allait être optimisé pour iOS 7 et pour OS X Mavericks. Hmm. On voit des images sur l'iPad et puis... L'iPad qui n'a pas encore changé, évidemment, mm-hmm. parce qu'il n'y a pas eu l'annonce, il n'y a pas eu ce qui s'en vient. Là, dans... Après ça, là, on imagine, à moins qu'Apple ait d'autres surprises, là, puis garde ça là, pour... Donc, pas de nouveau iPad aujourd'hui. On vous dit salut, on vous remercie c'est d'avoir été. Ça durait 45 minutes, finalement. C'est une joke. Donc, dites-nous, est-ce qu'à date, nous, évidemment, vous le savez, on est bien impressionnés du keynote jusqu'à maintenant. Vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous impressionne? Est-ce que vous êtes content que Maverick soit gratuit? Est-ce que vous attendiez un prix pour le Mac Pro aussi bas? Est-ce que on n'a pas ils nous ont annoncé un prix plancher pour le MacBook Pro Retina, mais ils nous ont pas dit jusqu'à quoi on pouvait le booster de l'autre côté. Souvent ils le disent, donc ça va être intéressant de voir si on peut dépasser. Je pense que c'est le 16 gig ou 32 gig de mémoire qu'on peut mettre dedans. 32 maximum. 32 maximum. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir aller à plus que ça? Le système le permet, là, mais ça va être une limitation matérielle. Mais c'est disponible aujourd'hui. Là, donc, après la conférence, l'Apple Store va rouvrir et puis... Les nouveaux ordinateurs vont être disponibles. Ouais. Crasher, oui. Non, le Apple Store, lui, il ne va pas crasher. Non. Il vend des machines. Le App Store, lui, il va manger une salle. C'est comme ça qu'on peut dire ça. C'est levé un matin, lui, puis c'était le seul qui dit « c'est pas Noël aujourd'hui ». Donc, on voit finalement les nouvelles fonctionnalités, là, des nouvelles applications iLife pour iOS et pour Mac, qui semblent avoir une interface. On voit encore l'interface le plein écran là, qui avait été introduite là, il y a quelques années là, pour le Mac. On parle de nouvelles fonctionnalités. Mais vous, là, je n'ai pas suivi là, ce qui s'est dit. Là. J'imagine que Bernard et Jean-François vont être capables de vous faire un résumé le plus concis là, ce soir, là, vraiment juste un concentré de fonctionnalités. Il y a Stalisnas qui nous a envoyé la vidéo de MS Word que je parlais tout à l'heure. Donc, je vais la retweeter de ce pas avec mon compte si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil. Moi, ce qui m'intrigue au niveau de iLife et des mises à jour à iLife, c'est de voir... Est-ce que ça va devenir vraiment l'espèce de plateforme de base de traitement de toutes sortes de contenus de création que ça devrait être depuis les débuts? Parce que tout le monde que je connais qui a un Mac qui ont les applications iLife, la plupart, il y en a qui les ont cherché piratés ou pas, mais bon. Mais la plupart des gens que je connais commencent à faire un petit bout dans iLife, puis ils vont aller traiter les images dans Photoshop ou vont aller... débarquent toujours de iLife, même si c'est... On est supposé garder à l'intérieur de iLife, mais on reste jamais vraiment. Il manque toujours un petit quelque chose, un petit poly, un petit quelque chose qui est insatisfaisant. iMovie, c'est la même chose. Toujours un petit quelque chose qui accroche. Alors, j'ai hâte de voir si ils vont oser l'amener assez loin pour qu'on ait plus le goût de débarquer de la plateforme. Le truc aussi, c'est que quand le logiciel existe depuis un certain temps et qu'il n'a pas été remanié au complet, ben les créations de tout le monde se ressemblent pas mal un peu. Surtout quand Band. Ouais, c'est ça. les thèmes musicaux de tous les podcasts, c'est à peu près les quatre mêmes. Mm. Si on fait des... ils ont ajouté là, des espèces de... C'était quoi? C'était... movie trailer que tu pouvais monter dans iMovie, c'est le même movie trailer pour tout le monde, les premiers pas de bébé qui monte, qui descend l'escalier puis qui déboule l'escalier pour les scènes d'action. Donc, va falloir voir. C'est un peu comme Windows Movie Maker, que toutes les vidéos sur YouTube ont le même fond bleu pâle avec le texte blanc en Arial par-dessus. Je savais pas que Windows Movie Maker était capable de rendre un film. Je pensais que c'était comme programmé pour que ça plante avant ça. Comme t'as monté ton film, mais c'est tout. C'est un petit clip de 20 secondes qui a pris 6 heures à monter parce que ça plante. Ça marche juste si tu laisses le titre pendant 1 minute 32 puis t'as 3 images d'un GIF animé mal copié que tu mets dedans. Sinon, ça plante. Mais bon, là, on montre... GarageBand. Une nouvelle façon de jouer de la cymbale sur GarageBand. Excitant. c'est pas des logiciels qu'on sert. Là. J'imagine quelqu'un qui fait de la musique, là, un loisir là, à la maison, peut-être content de ces fonctionnalités-là. Mais moi, c'est pas quelque chose que je m'en sers. Je m'en sers pour faire des sonneries d'iPhone avec ma musique. On salue les genius dans les Apple Store qui sont comme « Ouais, des nouveaux logiciels enseignés! Yes! » Donc, on vous salue. Et toujours un excellent service, de toute façon, dans les Apple Store, mais pas autant qu'à la Coop. D'ailleurs... Quapicam, tu veux dire. Quapicam, boutique informatique. Voilà. D'ailleurs, on va prendre ce moment de répit où on est en train de voir des faces dans... Oui, c'est... Ah. C'est comme... C'est des... il va falloir revoir ça après la présentation, aller lire les fonctionnalités, parce que quand on regarde ça comme ça, on est ridicule un petit peu. Oui, puis là, j'ai l'impression qu'on joue la version Movember d'une chanson, mais je ne sais pas pourquoi. On peut choisir, en fait, qui va être le drummer de notre groupe. Donc, GarageBand, qui devient maintenant un jeu vidéo. C'est ça, c'est ça. Garage Rock Band de Tim Cook, Bad Joke Edition. Fait que je sais pas. Mais bon. Ils vont sortir le high drum avant la fin du, avant la fin du show. Donc, on va rappeler nos commanditaires. Donc, ClickPom, évidemment. Qui nous accueille dans ses locaux. Quapucam, qui est aussi commanditaire de l'événement. iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnels. ReptileTech, qui host le site web actuellement. Hugo Bureau, dont vous pouvez trouver des reviews de produits sur le site de Niviti et de MacQuébec. 3DI pour le prêt de matériel et... J'oublie le nom. Ben, moi aussi, je l'oublie, le nom du magasin d'hamburger. Hein? Ouais. C'est pas trop loin. Coppoli Burger, qu'on salue. Donc, d'excellents burgers. Et vous pouvez gagner un an gratuit de burger en allant faire un like sur leur page Facebook. Est-ce qu'on est rendu un petit peu plus loin? On nous parle de iWork. Est-ce qu'on a manqué quelque chose pour iLife? Quelque chose qui serait une comme date de disponibilité date ou un prix? Ouais. Non. Ils ont passé directement à iWork. J'imagine... Ah non, c'est... Okay, non, c'est ici. Toutes les applications iLife sont gratuites avec l'achat d'un nouveau Mac ou appareil iOS. OK. Est-ce qu'on va pouvoir mettre à jour... Ouais, mais là, mon iPhone que j'ai acheté le mois passé, là, il l'a pas gratis. Est-ce que c'est une mise à jour ou bien ça va être quelque chose? Ils vont sûrement faire un petit up-to-date. Là. Mais pour Mac, il va falloir acheter un nouveau Mac. Ce qui était le cas, ça a toujours été gratuit. Là, Est-ce que iWork va être gratuit dans c'est ce qu'on va savoir. Là, c'est ce qu'ils sont en train là, d'annoncer. Là. Avec l'avènement d'iWork.com qui prend de plus en plus place, ça m'étonnerait là, qu'ils nous fassent payer pour ça. Ouais. Ils veulent que ça se propage et que les gens utilisent ça. Ils veulent qu'on mette nos fichiers dessus pour qu'on paye pour du stockage sur iCloud au lieu de payer pour l'application en tant que telle et le stockage pour iCloud. On est tellement plus dans un monde où est-ce que comme le monolithe de « je l'ai fait dans Word », les gens commencent à prendre l'habitude de les faire sur toutes sortes d'or, sur OpenOffice, ils le font dans Google Drive, je pense qu'on... Le timing serait bon pour ça. S'ils continuent de le laisser comme un outil payant, c'est juste de condamner à ce qu'il ne soit pas utilisé. Là. Mmh. Effectivement. On a une question pertinente de Sébastien Gauthier sur Twitter qui demande « Si je possède macOS X 10.6.8, est-ce que je peux télécharger 10.9 gratuitement? » C'est pas un détail qu'on a. Est-ce qu'il faut passer obligatoirement de 10.8 à 10.9 ou on peut passer d'une version antérieure à... 10.9 directement? Bonne question. Est-ce que c'était possible de passer de 10.6 à 10.8 ou est-ce qu'il fallait passer par 10.7? D'après moi, ce serait une question auquel Bernard et Jean-François vont pouvoir répondre ce soir à l'Aftermath. Donc, exactement. On va faire... À 21h15. Nous, quand les micros vont se fermer, on n'arrête pas de travailler. Mm-hmm. On continue à rechercher l'information. Et puis, on envoie ça aux deux comparses pour ce soir qui vont vous faire un show d'à peu près... J'imagine autour d'une heure. Moi, ça avait duré une heure la dernière fois. Voilà. Mm-hmm. Ça avait bien marché, d'ailleurs. Mm-hmm. Cela dit, mon impression, c'est que ça va être payant. Tiens, je vais voir, on peut faire une autre gageure, voir si je vais perdre deux fois de suite. Mais, Pour ce qui est d'iWork, tu veux dire? Non, pour de passer de 10.6 à... Ah, oui. Ouais. Bien, ils vont-tu laisser Mountain Lion? Puis là, il va falloir que tu passes à Mountain Lion et gratuit pour passer à Maverick? Tu sais, ça serait comme une double mise à jour. J'espère que non, mais en même temps... Je ne sais pas comment ils vont le faire. Dans le passé, ça a pas été leur point fort. Nous, on aurait payé 20$ pour passer à Mountain Lion. Puis là, quelqu'un qui aurait attendu pour X raisons l'aurait gratuitement, aurait la nouvelle version gratuitement. On serait pas content. C'est mais en même temps, on a eu Mountain Lion au lieu... Le 20$, ça fait un an que je l'ai payé. Je m'en fous un peu, mais... C'est pour ça que j'hésite, mais en même temps, ça fait une expérience d'installation vraiment plus plate là, d'avoir à faire. On installe, on réinstalle. Ouais. Je passe une soirée à ne pas utiliser mon Mac. C'est pas du genre à Apple de faire quelque chose comme ça de toute façon. Donc, d'après moi, il va être gratuit pour tout le monde. Toi, tu dis qu'il va être payant pour passer de 10.6 à 10.9. Sinon, on a une autre question sur Twitter. À partir de quelle heure on peut downloader Maverick? Ça va probablement après la conférence. Ouais. Moi, j'irais là. Je veux dire, à côté de ta fenêtre de la diffusion qu'on fait en ce moment, mets le App Store puis fais pomme R à tout bout de champ pour voir s'il apparaît. Parce que dès qu'il va apparaître, je peux te jurer que ça prendra pas de temps avant que tu puisses pas cliquer dessus. D'ailleurs, il est peut-être mieux de regarder sur les différents forums comme Engadget, Ars Technica, 9to5Mac. Souvent, il y a un de ces endroits-là qui va vraiment sortir le lien direct pour le App Store. Parce qu'avant qu'il soit... Ouais. En vitrine, ben, y a un lien direct qui mène quand même au logiciel. Donc, puis si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, vous avez une chance supplémentaire, je vous dirais, de pouvoir télécharger le produit avant que le magasin soit complètement écrasé sous la demande. On a, pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour passer d'un système à un autre, on a Louis Tremblay qui nous donne des précisions sur Twitter. J'ai pu passer un Mac de Snow Leopard à Mountain Lion pour $19.99. Oui, donc, c'est possible de sauter. Là, une... Oui. De 10.6 à 10.8, ça, on le savait. La question étant de savoir, comme 10.9 est gratuit, est-ce qu'on va pouvoir passer de 10.6 pour ceux qui sont encore avec? Moi, je sais que dernièrement, j'ai installé 10.8 chez des clients. Je vais-tu pouvoir aller « report » je vais pouvoir aller dire, je rapporte un problème, j'upgrade à 10.9 puis l'avoir gratuitement. Donc, ça risque. Puis, en fait, ce que je comprends, quand tu reportes un problème, maintenant, directement, le produit est remboursé, si je ne me trompe pas, presque automatiquement. Ah oui, ils n'ont plus besoin de te renvoyer un email. D'attendre que quelqu'un. Non. Hein? C'est plus automatique que ça l'était. Ouais, on vient d'annoncer là, que iWork, là, est-ce que ça a été annoncé? Moi, je viens de voir ça ici. Eddie Q, on voit qu'il attend vraiment de prendre la place de Tim Cook et qu'il veut être à la première page des magazines. Ça se sent dans la présentation de Page en ce moment. C'est pas un très bon choix de couleur d'ailleurs et c'est pas une très bonne photo. Moi je dis qu'on écrit texte. Google's collaborative editing, but change are showing up quickly in real time in the demo. That's iWork for iCloud. Oh, c'est iWork pour iCloud. Donc, c'est la version sur le web qui vient de présenter. Oui, c'est ça. Mais avant, ils présentaient les applications. C'est ça. C'est parce que là, on a parlé, on en a perdu un bout. Effectivement, et on parle de 100 nouveaux features dans ces logiciels-là. Ça fait une trentaine de nouveaux features par logiciel, ce qui est quand même assez intéressant. Bien content que vous soyez toujours avec nous pour cette présentation en direct des nouveaux produits Apple. Produits et logiciels. Je ne sais pas si vous êtes avec nous depuis le début, mais les annonces sont intéressantes jusqu'à maintenant. Pour faire une petite récapitulation rapide, Maverick est gratuit. MacBook Air à 11 pouces à 999. MacBook Pro, qui lui était déjà sorti. On a annoncé aujourd'hui des MacBook Pro Retina à 12,99. MacBook Pro Retina 15 pouces à 1999. Et le Mac Pro que tout le monde attendait à un prix excessivement élevé. Exorbitant. Et finalement, à la surprise de tous, en tout cas en studio, à 2999 pour le modèle de base, qui n'est pas un modèle cheap, il faut le dire. Il y a 12 gigs de mémoire là-dedans. Il y a 256 gigs de disque dur SSD. C'est un 4 core 3.7 GHz. C'est quand même une machine qui arrache la peinture. Là. Puis là, on vient de présenter iLife et iWork. Et puis, les 6 applications vont être offertes gratuitement au nouveau propriétaire de Mac et d'appareils iOS. Autant pour iWork que pour iLife. C'est ça. Confirmé. Ça vient d'être confirmé. Là. Puis, il y a eu une comparaison. On a vu le logo Office 365 avec $100 par année. Ça allait exploser, puis gratuit est apparu là après. C'est tellement dingue. Alors, si vous avez besoin d'autres arguments pour vous convaincre qu'un nouveau iPad serait le fun, Retina ou pas, ça... Il faut dire que moi, je m'assois aujourd'hui parce que je veux absolument... En fait, mon désir à moi, c'est que Apple annonce aujourd'hui un iPad mini Retina avec Touch ID. Avec l'analyse qu'on a faite au début, à moins que ce soit vraiment Noël, mais avec une couche de petit Jésus, du Paris pâté de Marie, de la Trinité par-dessus ça, ça, c'est pas à attendre, mais ce serait quand même... Je pense que si au purgatoire, on a juste l'iPad mini avec Retina Display, on va être bien. Oui, hein? Effectivement. C'est d'ailleurs le point là, qui commence dans la présentation, là, le point culminant là, de la présentation. Tim Cook est sur scène et commence là, à annoncer là, les nouveaux iPads. Si, Jason, si tout va bien au niveau de la présentation, là, es-tu capable d'aller nous chercher de l'eau? où il y a de la liqueur dans la salle juste à côté ici, mais je sens que je vais avoir besoin de mm-hmm. Ouais. Pâté. Ça, c'est la différence entre une émission de radio FM et un podcast. On peut dire c'est pâteux. C'est pâteux. It's not going to revolutionize everything. It's not going to replace netbooks. Bon, on ouais. repart sur la question. Parfait. Donc, l'iPad va avoir un clavier. Et effectivement, ça va. En fait, Apple s'excuse de ne pas révolutionner quoi que ce soit aujourd'hui. Mais que c'est quand même un magical device. Magique. C'est magique, c'est sûrement des magiciens, là. C'est pas. Non, je pense que c'est des quotes de journalistes. Qui... Parce qu'on avait. Anyone ouais, ouais, who thinks ouais. it's a game changer is a tool. Bon, puis ils en ont vendu que 170 millions. Je sais pas pourquoi ils veulent continuer de faire ça. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est vérifier combien il y a d'utilisateurs de Skype. Parce que Skype est quand même multiplateforme, permet de faire des vidéoconférences et tout ça. Mais tout le monde qui a un Mac, tout le monde qui a un iOS, tout le monde qui a un iPad est capable de faire de la vidéoconférence de façon excessivement convaincante actuellement. Donc, tu regardes où est ta caméra puis où est-ce qu'il faut pas que tu passes. C'est bien ça. Trop tard. Es-tu froide? Non. Non, c'est pas grave. Ah oui, t'es allé dans la salle à côté. C'est bon. Non, pas pour l'instant. Ça fait des feedbacks dans le micro. Comment ça fait chaud aussi, ici? Oui, il fait... Mais si on ouvre les lumières, les fenêtres... Pardon, il va faire écho. Oui, c'est ça, les micros captent là, pas mal. Ouais. Effectivement. Mm. Bon, alors, sans grande surprise, on est en train de nous dire que les gens utilisent beaucoup plus les iPads que d'autres tablettes pour leur usage à la maison. Mm-hmm. Ça a peut-être quelque chose à voir avec le fait que, un, l'interface est beaucoup plus utilisable. Deux, ben, il y a un écosystème d'apps qui est présent par rapport à d'autres plateformes. Le digital entertainment, c'est sur iPad. Pour publié sur les deux plateformes, les ventes qu'on peut faire sur App Store, c'est 8 fois ce qu'on peut faire sur Android. Wow! 4 à 8 fois, ça dépend du type de jeu, du type d'application, mais c'est... Puis pour les trucs, même les trucs super niche. Là. D'ailleurs, normalement, le prochain podcast devrait avoir lieu le 5 novembre. Mm-hmm. Il va peut-être être changé de date, je te l'annonce. Là, okay. Mais, j'ai peut-être quelque chose d'important à aller faire cette soirée-là, fait que peut-être qu'il va être changé de date. On devrait normalement recevoir deux invités au prochain podcast, soit Stéphane Vaillancourt qui va venir discuter avec nous de l'appareil photo du nouveau iPhone 5S, et on recevrait Jean-Luc Sancartier de RDS qui viendrait nous parler de la nouvelle application RDS Go. Vous pouvez trouver un review sur, en fait, une critique de RDS Go sur le site de Mac Québec. Excellente application, très design, très intéressante. On peut paramétrer des alertes pour chaque but que le Canadien fait ou qui est fait dans la Ligue nationale. Il y a des statistiques, je ne sais plus savoir quoi en faire. Donc, c'est vraiment très bien fait, un excellent produit. Ouais. Et on va le recevoir pour nous en parler. Et c'est une des questions qui s'est fait poser cette semaine sur Twitter. Pourquoi elle n'est pas là sur Android? Ben, c'est pour ça, parce que c'est plus facile de lancer le produit sur iOS, qu'il soit adopté massivement, qu'on ait une masse critique et qu'après ça, on puisse convaincre que ça vaut la peine d'aller chercher le reste des utilisateurs. Puis Tim Cook vient de faire une belle comparaison. Je trouve qu'on parle qu'il y a 475 000 applications spécifiquement pour iPad qui sont disponibles sur l'App Store. Puis on sait que Google là, se vante là, souvent là, qu'ils ont peut-être plus d'applications, là, mais sur l'App Store, c'est pas la quantité qui compte, c'est plus la qualité, ouais. Parce qu'on sait que les applications sont vérifiées par Apple, puis il y a un contrôle là, de qualité là, quand même assez serré là, qui sont faits dessus. Là, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord là, avec ce feeling. Même si de temps en temps, il y a des applications qui passent, qui réussissent à se passer dans les mailles du filet. Là, mais... Exactement. Rapidement, de toute façon, ils sont enlevés du store. Ouais. Pendant longtemps, moi, j'ai fait une collection d'applications. Enlevées? Si tu le sais, ouais, ben, c'est parce que tu le sais, là, ils t'annoncent VLC, puis là, tu vois qu'il y en a deux, trois qui gueulent parce que c'est supposé être open source, puis tu fais comme, OK, je vais la télécharger, je sais qu'ils vont l'enlever. Ou, par exemple, un émulateur pour jouer au Game Boy sur ton truc, caché à l'intérieur d'une application de flashlight. Quand Gridley est sorti, là, peut-être que vous pouvez faire jouer des ROM aussi avec, mais il y a un petit jeu là, de par rapport. En tout cas, vous pouvez aller le chercher, ça existe. Ouais. Exactement. Présentement, on est en train de présenter une vidéo là, qui récapitule ce que les utilisateurs font avec leur iPad habituellement. C'est pour revenir là, sur l'annonce de statistiques qui vient d'être faite. Là, mais... Ils se mettent en danger en prenant des photos très, très près d'éoliennes. Quelle utilisation la plus singulière du iPad vous avez vue? Parce que moi, là, il y a un truc qui m'a frappé. J'étais dans une conférence sur l'alimentation naturelle. Puis, t'as des machines qui équilibrent tes auras, là, ces genres d'affaires-là. Mm-hmm. Puis, il y avait une chiropraticienne qui était là, qui prenait des photos puis qui disait que ton dos était croche avec l'iPad. Moi, je te disais, je peux te regarder, te dire que ton dos est croche, mais... Reste que ça crédibilise toutes sortes de choses en disant « j'ai ma tablette, je te le montre, puis je le fais sur ma tablette. » En fait, l'utilisation la plus singulière, pas la plus singulière, mais la plus probable du iPad, c'est calmer les enfants au restaurant. C'est ça l'utilisation. Tu prends ton iPad et tu dis « OK, là, calme-toi. » Et c'est un... C'est pas très It's parenthood. It's a magical revolutionizing device. C'est un bouton pause pour les enfants, l'iPad. C'est ça que c'est. OK? Vous pouvez me traiter de toi et non, de pas bon parent, là, mais quand il y en a jusqu'à là, tu donnes l'iPad, c'est fini. C'est assez. Ben, il y a quand même des applications pour jouer avec les chats aussi, que j'ai testé avec mes deux félins. Et c'est vrai? Ils ont aimé, oui. Je pense que c'est Whiskers qui commanditait ça. Puis c'est des cibles qui bougent puis qui ont étudié les mouvements qui attirent les chats. Et de fait, le chat est comme... Wow, c'est super. Je peux jouer sur un pied carré. Je capote. C'est comme whack-a-mole. T'as intérêt à avoir un bon protecteur d'écran. Oui, puis un chat vraiment, vraiment obèse. Qui ne veut pas trop bouger. Ah oui, c'est ça, parce qu'avec un laser, il s'en fout, mais quand c'est sur un pied carré, ouais, il est correct. Ça va. Désolé, chérie, ton chat n'est pas gros, il n'est qu'enveloppé. C'est le chat qui dit ça. Alors, c'est très drôle de la part de Whiskers, par exemple, de faire une application comme ça. Je trouve ça... Je pense qu'il y en a même deux versions. La pro, genre. Oui. Il y a des in-app purchases, non, une à 100 $. Oui, tu peux updater les petits poissons, là. C'est non. It all began with the... Oui, moi, c'est celui-là que j'ai toujours, l'iPad avec lequel tout a commencé. Mm. Alors, je suis... Phil Schiller sur la scène maintenant, et puis les annonces s'en viennent. Là. On a des gens là, qui se demandaient qu'est-ce qui se passait là, sur Twitter. Commence à avoir de plus en plus de moles, M. Schiller, le visage. Ouais. Tu disais whack-a-mole tantôt. Oui, je disais whack-a-mole. Cool, ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Donc, on dit aujourd'hui que ça va être le plus gros passage dans deux modèles là, de iPad. Today we have the biggest step yet. On met OS X dedans. Bien, à la limite, mais ouais. Non, je pense pas. Non. It's thinner, lighter, and more powerful. C'est ça, donc ça représente, ça aurait l'air d'un iPad mini, un petit délai de quelques secondes avec... C'est le iPad Air. Oui. Il n'y a personne qui avait entendu parler de ça. iPad Air. Moi, si je suis un fabricant de boîtiers là, aujourd'hui, là, je suis fâché contre mes sources qui m'ont dit que c'était pour être un iPad mini plus long. Ou plus... En tout cas, on va voir. Là, mais... Il a l'air vraiment plus mince. Il a l'air vrai, oui. Donc, j'ai hâte de voir, en fait, les mensurations de la bête. 43% plus mince. C'est beaucoup plus que ce qu'on avait dit. On avait dit 2%, nous. On avait dit 2 mm. Non, 2 mm, au niveau du poids, veut pas, là, même avec la pile la plus dense, là, ça veut dire que ça va être un truc qui va très bien porter son nom. Là. Mm. Wow! Ouais, ils l'ont pas appelé Air pour rien. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse différence là, pour qu'ils l'appellent Air. Fait que s'ils ont un iPad Air, ils ont un iPad Mini, ils ont-tu un iPad Pro? Ok, on n'a pas assez. Parce que tu en parlais au début, Apple veut aller vers les objets de désir. Là, on a, on a juste des statistiques qui se contredisent. Là, c'est 20% plus mince. C'est 7. L'iPad, présentement, a 9,4 mm d'épaisseur. On parle de 7,5 mm pour le... Smaller bezel. Le nouveau iPad. C'est le small, c'est le bezel. Le bezel est plus petit. C'est ça. Ça va être la largeur, c'est, probablement. C'est qui va small être, bezel comparé à l'iPad mini ou comparé à l'iPad? À l'iPad. Comparé à l'iPad normal, on enlève. Le nouveau iPad. Là. Parce qu'un bezel 43 plus petit que celui du iPad mini, il n'y a plus de bezel. La dernière génération était de 1,4 livres. This one. Rendu à 1 livre. On enlève quand même 400 grammes. C'est quand même assez considérable. Oui. Parce qu'un des problèmes de l'ancien iPad, c'était qu'à long terme, le tenir à une main, ça commençait à être fatigant. Ça a l'air hyper niaiseux, là, mais tu le lis comme Tu... À un moment donné, tu te fatigues, tu te réveilles parce que tu viens de t'échapper ton iPad d'en face. Puis c'est arrivé à tout le monde. Donc, pour quelqu'un comme nous qui utilise un iPad, souvent, c'est quelque chose qu'on va sentir là, dès qu'on va prendre... Là. Ben c'est sûr, là, un iPad qui te tombe d'en face, tu le sens à ta barre. Non, quand on va comparer entre les deux, le poids, là, je veux dire. Inside is an A7. OK, A7, c'est pas A7X comme on avait parlé. Là, donc, c'est la même puce que le 5S. C'est ça. Ouais. Fait que l'iPad mini n'aura pas de Retina et pas de Touch ID. En fait, peut-être un Retina, pas de Touch ID. Mais Oh, il y a un processeur M7 dans le nouveau iPad Air. Ouais. Donc, si vous voulez aller faire de la course à pied avec, vous allez pouvoir. Trouvez-vous une maudite bonne housse avec une clip à ceinture. Non, mais tu sais, c'était très, très gros, là. C'est correct. Ça a l'air tout petit. Il manque juste un petit adaptateur Ant Plus, puis là, tu aurais ta sangle cardiaque. On voit aussi qu'il n'y a pas de Touch ID là, dans l'iPad Air. Là, on voit le bouton d'accueil là, sur la photo, là, ici, qu'on a à l'écran. On voit le bouton d'accueil. Il n'y a pas de contour, le bouton d'accueil. Là, puis, ça fait assez longtemps que les gens disent qu'il n'y aura plus de bouton d'accueil. C'est une rumeur, en fait. C'est une rumeur qui est constante. Persistante. Mais Steve, il l'aimait, son bouton d'accueil. Oui. Ouais. On dit que ça se pourrait que ça soit différent. Le processeur serait pas tout à fait identique parce qu'on parle d'un gain là, de deux fois la performance du CPU puis deux fois la performance graphique. OK. Qui serait pas autant là, quand l'iPhone 5 puis l'iPhone 5S là, est sorti. Mm-hmm. Donc, peut-être une autre version un petit peu moins rapide ou un petit Peut-être que c'est le Retina Display qui viendrait expliquer Ah oui, plus grand. Je ne sais pas. Increase in rendering. Expanded LTE support, c'est quelque chose qu'on avait aussi sur l'iPhone 5S. Donc, possibilité d'aller dans plus de pays. Mm-hmm. Dual microphone. Une caméra de 5 mégapixels et non 8 mégapixels. Et non 8, comme on l'avait, dit au début. Improve backside. Illumination pour la caméra, là, comme on a dans l'iPhone, comme on avait sur l'iPhone 5. Là, est-ce que c'est la même caméra que sur l'iPhone 5? Je crois que oui, non? Non. Non. C'est une 8 mégapixels quand même sur l'iPhone 5. Les photos sont toujours moins bonnes sur un iPad que sur un iPhone. L'iPhone, c'est vraiment l'appareil que tu as dans tes poches, tu sors, tu veux prendre des photos. On l'a vu, le National Geographic a fait des photos assez impressionnantes avec ça. Il n'y a pas de changement pour le prix. 499 pour 16 gigs, puis ça va remplacer le iPad. 629 avec LTE, ça va peut-être même se rendre à 649 ici au Canada. 529, 649 sur Canada fort, probablement. Ils continuent à vendre le iPad 2 à 400 $. Mm-hmm. Quand même, ils veulent le pousser. Là. Mm. Et maintenant, iPad mini. Ça va être le 1er novembre, la date de lancement va être le 1er novembre qu'on avait dit. Bon, fait qu'on va ramasser des bonbons et après ça, on se retrouve devant le Apple Store déguisé en vampire. Quoi? C'est super drôle, les vampires. Donc, le iPad 2, mais aujourd'hui, on remplace le... c'est le troisième changement de nom pour le iPad. Mm-hmm. On l'appelait le iPad 1, le iPad 2. Après ça, on est arrivé avec le New iPad deux fois. Et maintenant, on l'appelle le iPad Air parce qu'on est tanné d'expliquer que c'est le New. Ouais, mais là, on va en fait, le reste pro, mini, nano. Hein, la troisième génération, c'était le nouvel iPad, mais la quatrième génération, c'était juste iPad. C'était iPad avec écran Retina. Ouais. Effectivement. Officiellement, là, sur l'App Store, ouais. Là, c'est comme ça qu'il était présenté. Effectivement. Ils font une vidéo. Avec Johnny Ive, qu'on va voir derrière nous dans quelques instants. Vous allez pouvoir écouter sur le site d'Apple. Il va probablement vous jouer d'en face quand vous allez accéder au site d'Apple. When you try to renew something, you take aluminum and glass, and then you reinvent the toilet bowl. Aïe. Sir Johnny Ive. C'est qui est derrière toi, puis t'étais pas mal synchro. C'est vrai. J'ai le même chandail, j'aurais dû le mettre. Mais j'ai plus de cheveux. Si, tu sais, avec le nom Sir, puis avec le fait que les millions rentrent, puis que t'es capable de t'arranger un petit peu, puis de prendre soin de toi, à un moment donné, tu finis par avoir un look intéressant. Mais... si vous cherchez, en fait, des photos de Johnny Ive et que dans vous retournez en arrière, il y a comme un look de Homer Simpson quand il était jeune, tu sais. Fausse barbe, un peu chubby, des cheveux comme avec une longueur un peu bizarre, comme entre deux coupes. Puis dans le film, il n'est pas présenté comme ça, mais Johnny Ive, quand ils l'ont rencontré, là, c'était comme... je sais pas si t'es capable de... Je sais pas si on est capable d'afficher... Ils viennent-tu de l'échapper? Ils viennent de l'échapper. OK. Puis ça, on aime ça. Ouais, je recommande pas d'essayer ça à la maison. Non, on va essayer d'en emprunter un à quelque part pour faire des tests comme ça. Anecdote, on m'a déjà montré le e-book dans le temps, e-book 3, G3, voyons, avec le Power G3. Donc, et le sales pitch était de l'échapper, de montrer qu'il fonctionnait toujours. Je ne recommande pas. C'est toujours bien, ça fait toujours innovant, mais non. Sales pitch qui fonctionne une fois sur deux. Voilà. Donc là, c'est l'application 11 septembre qu'on est en train de nous présenter. Où est-ce qu'on peut voir les points névralgiques d'explosion d'un avion? C'est une blague de mauvais goût, c'est pas grave. Oui. C'était pas ta meilleure. Non, non, mais... Quoi? C'était un avion pareil. C'était intéressant. Also, no touch ID in the iPad Air. Mm. Donc, il n'y en a comme pas. Comme on disait, mais c'est confirmé. Là. De toute façon, vous avez un iPhone pour acheter des applications très rapidement. Là, donc, c'est pas un problème. C'est possible d'acheter des applications d'iPad sur l'iPhone, non, je crois. C'est ceux qui ont lancé récemment sur l'App Store, oui. Mm-hmm. Oui, tu peux quand même acheter l'application, même si elle n'est pas disponible, puis elle va s'en aller comme dans les limbes, puis attendre là, qu'on ouvre l'iPad. Donc, dites-nous sur hashtag PodMQ, est-ce que retrancher 400 grammes de l'appareil, c'est 400 grammes ou... À peu près. 400 grammes de l'appareil, est-ce que le rendre plus mince le rend plus intéressant à vos yeux? Vous dites, on parle du iPad mini ensuite, puis bouf, bouf, bouf, bouf. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec l'iPad mini. Celui-là, à part avoir changé de nom, puis d'être beaucoup plus mince, d'avoir un look iPad mini aussi, parce qu'on a vu la coque en arrière, là, c'est vraiment fait... c'est ce qu'on s'attendait à ce qu'il soit fait comme le iPad mini. Mais je pense que le clou de la journée, s'il y a les features qu'on attend dedans, ça va être le iPad mini. On espère le Retina. On a sur Twitter Marc-Antoine Bertillon de l'équipe de Mac-Québec qui dit pour l'iPad Air, pas de Touch ID, pas de caméra slow motion. J'espère un iPad Pro maintenant, car sinon je suis très déçu. C'est peut-être effectivement le... l'annonce la moins efficace de la journée. Mais faut quand même considérer qu'est-ce que Apple est capable de faire, vers quoi Apple veut s'en aller. Et je pense que pour les utilisateurs, le poids était quand même... c'est un produit qui est lourdeau et Apple n'aime pas ça. C'est un produit qui est fait pour être laissé à la maison. Mais reste que je partage le point de vue. Dans le fond, c'est très agréable qu'on nous l'allège, qu'on nous l'amène un peu dans l'ère moderne, mais en même temps, à quel prix? On est rendu au iPad mini. On vient d'annoncer le Retina Display là, sur l'iPad mini. Et le processeur A7. C'est ça, oui. Donc, s'ils veulent, ils peuvent mettre un Touch ID dessus. Mais il n'y en aura pas parce qu'on a déjà vu le bouton d'accueil. Ah, OK. Si un Retina je vais être là. Je vais être là. Moi aussi, mon choix vient de se fixer. Là. Et voilà. Je passe là, du iPad 2 au iPad mini. Donc, c'est quand même un bold move de la part de Apple. Mm. On avait spéculé au début que Apple sauterait pas trois générations de processeurs. Ils l'ont fait. Donc, c'est là, on a des gains là, très intéressants au niveau de la performance. On parle de 8 fois plus vite pour les graphiques et puis 4 fois plus vite là, pour le processeur là, en tant que tel. Et malgré un écran Retina, on a 10 heures de batterie de disponible sur cet appareil-là. Mm-hmm. La caméra toujours de 5 mégapixels. Et la connexion MIMO. Est-ce qu'il est assez? Je pense pas. Ils n'ont pas dit l'iPad non plus n'est pas assez. Le iPad Air va être disponible le 1er novembre, mais lui va être disponible later in November. Oh. Ah. Donc, on va aller... Ça, puis on voit, il y a une... L'augmentation au niveau du prix, là, on parle de 399. Oui, il était 329. Ouais. C'est ce qu'on avait vu aussi quand les Retina sont sortis. Ça a quand même donné un coup au niveau de, de l'achat. Donc ça veut dire que pour 499, on va avoir le choix soit d'un iPad Air 16 GB ou d'un iPad mini 32 GB. Oui. Oui. Le choix est pas difficile, ça va être iPad mini 32 GB. Ouais, ouais, moi je t'avoue pour moi aussi. Ou LTE 16 GB. Va être 529. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, 32 GB iPad mini. ils n'ont pas annoncé par exemple, ça va être 16, 32 et 64 ou parce qu'ils ont un 128. Ouais, il y a un 128 qui existe, mais ils n'ont pas montré le bon français, le tier plus élevé. Mm. There's a new iPad cover. $39, il n'y a pas de clavier dedans. Non. There's a leather case run at $79. Hein? Est-ce qu'il va avoir... Ben c'est dommage, fameux... c'est dommage, par exemple, que ça ne soit pas lancé les deux en même temps. Oui. Ouais. Hein? J'espère que ce ne sera pas lancé pendant que je vais être en vacances à la fin du mois. Non, puis pour le temps des fêtes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se buter à des drôles de fils à la Il va faire froid, aller attendre ça à la fin être, du ça mois. Ça va être là. La file la plus froide qu'on n'aura jamais faite. Ben, au mois de mars, il faisait chaud. Là, pour l'iPad 2, il faisait soleil. Pendant la journée, il faisait chaud. Ouais. C'était pendant la journée, c'était pas pendant la nuit. Effectivement. Hein? Ça sonne pas mal la fin parce que l'iPad était quand même le produit phare qu'on attendait. Ouais, donc, il y a eu pas mal d'annonces aujourd'hui. Le seul produit qui est peut-être un petit peu moins intéressant, c'est le iPad Air, tant qu'à moi. C'est sûr que c'est un produit, en fait, dont on va voir la splendeur, quand on va l'avoir en main. Ça, je pense que c'est vraiment très tactile, puis de se prononcer... Au niveau des specs, moi, je tombe pas en bas de ma chaise. Je trouve ça vraiment sympathique, mais je ne m'attendais pas à moins, parce que c'est Apple quand même. Mm-hmm. Mais la prise en main... Quand le MacBook Air est sorti, j'étais un peu, c'est ça, il est petit, puis il rentre dans une enveloppe, après, tu le prends dans tes mains. Tu fais. Il rentre dans une enveloppe. Il rentre dans cette enveloppe que j'amène chez moi. Merci. Sinon, en fait, le fait que Apple ait mis un Retina dans le Mini, puis ils ont augmenté le prix, mais ça reclasse un peu le Mini. C'est-à-dire qu'avant, on disait que c'était comme le modèle un peu cheap, le iPad léger. Là, ça devient vraiment un iPad pleine puissance, mais dans un beaucoup plus petit format, donc plus transportable. Je suis vraiment intéressé par ce produit-là. C'est exactement ça que je m'en vais m'acheter parce que j'ai pas les moyens pour un Mac Pro, c'est sûr. Moi, ce qui me désole, par contre, c'est que quand les 5S, 5C sont sortis, je me suis dit, enfin, quand on va aller dans un événement public, ça va être le retour des petits écrans dans mon visage. Mais là, avec le Retina, puis ça veut dire que non, il va toujours avoir un tata qui sort son iPad en avant de moi. Du haut de mes 4.5 pouces, je ne verrai pas ce qui se passe. Je vais regarder ma vie à travers un écran d'iPad encore, bien malgré moi. Achète-toi des Google Glass. Ça, c'est pour un autre podcast. Hein? on a eu Geneviève Borne qui est venue les montrer au podcast. C'est assez intéressant. Ça ne marche pas très bien avec des lunettes déjà d'en face. Non, hein? Non. Pas vraiment. J'ai l'impression que ça finit comme sur une note. Mais avant les iPads, on était c'est super, on est content. Mais là, on s'entend, c'est pas Steve, mais habituellement, on a notre one more thing. La dernière fois qu'il l'a dit, c'était en 2010-2011. On n'a pas eu le « One more thing », mais ça ne leur ressemble pas de nous laisser tomber là-dessus. Oh, oui. Vraiment? Oui, oui, oui. OK, oui. Ben, je sais pas. La dernière personne à avoir utilisé l'expression « One more thing », c'est le gars de Samsung. Je suis le coréen. One more thing. Galaxy Gear. Puis il a présenté le Galaxy Gear. Qui est une montre, en fait, là, oui, okay. Qui fait que tu peux plus lever ton bras dans les airs. Besoin d'une grue pour le faire, qui ne dure pas très longtemps sur la batterie. Puis, 2,5 livres. Tu la changes de côté. Chest bra. Donc, ce sont les annonces pour aujourd'hui. Ils ont une nouvelle publicité. Et évidemment, ils veulent nous rappeler que ça a tout été dessiné en Californie. Mm-hmm. Mais Johnny Ive aimerait bien dessiner ça à Londres ou en Angleterre, du moins. Ça fait quelques années qu'il désire y retourner. C'est quand même intéressant. Les prix qu'on a pour les produits à acheter aujourd'hui, on n'a pas à rajouter si ça, ça vient avec. Ouais. iWork, iLife sont maintenant gratuits avec les ordinateurs. C'est pas nouveau pour iLife, c'est nouveau pour iWork. Le système d'exploitation est gratuit. J'ai hâte d'entendre Jean-François là-dessus, parce que s'il a fait péter les aiguilles pour 20$, il va les faire péter encore plus pour du gratis. Fait que ça risque d'être pas mal intéressant. Pas de Mac Mini. Je sais qu'il y a des gens, vois mon fil Twitter, pas de Mac Mini updaté. Ça risque d'être dans quelques jours. Par contre, nous, on avait dit à certains de nos clients d'attendre un petit peu pour l'achat d'un Mac Mini. Peut-être que dans certains cas, ce sera plus un Mac Pro. On a dit les dates de disponibilité du Mac Pro, ça allait être quand? Je ne sais pas, c'est ça que j'essayais de voir, mais là, l'Apple Store n'est pas encore revenu en ligne, puis le site d'Apple n'a pas été mis à jour là encore. Excellent. Donc, mais par expérience, j'ai l'impression qu'on attend ça plus vers la fin novembre. Là. C'est fin novembre, le 30 novembre. Ouais. Est-ce qu'on va vraiment aller faire la file un 30 novembre? Oh oui! Oh oui! Le camion U-Haul puis la chaufferette va prendre tout son sens. Et on n'aura plus de jus pour la diffusion. Là. On va juste être dans le fond de notre U-Haul. On a que se procurer des serveurs Dell. Ça chauffe en masse. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Peut-être un petit bruit de fond, par exemple. Oui. la dernière fois, on avait une génératrice qui roulait à côté, puis il y avait comme un petit son dans le background quand on podcastait. Donc, pas de nouveau Mac Mini aujourd'hui, ce qui fait que si vous avez besoin d'un Mac Mini le plus vite possible, ben, vous achetez ceux qui sont là actuellement, qui sont quand même des bons produits à bon prix. On le rappelle, le Haswell ne donne pas tant de performance que ça de plus au niveau... au niveau de la performance brute, au niveau du processeur. C'est vraiment au niveau de l'économie d'électricité que ça va jouer. Évidemment, le Iris, lui, peut donner un petit oomph de plus, donc ça aurait été intéressant de voir. Le site d'Apple est revenu. Le Mac Pro va être disponible en décembre. Décembre seulement. Mm-hmm. C'est pas un produit qui se met très, très bien en dessous d'un arbre de Noël. C'est ça. Je veux dire, c'est quand même assez limité le nombre de personnes qui vont faire ça. Sur iPad, Wi-Fi, OK. On m'indique à l'instant, notre ami Marc Hugo de la Coop, qui nous indique à l'instant qu'il y aura 130$ de rabais sur les iPads Wi-Fi plus cellulaire, les modèles actuels. Donc, vous prenez 130$ et vous le retranchez du prix qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et ce sera le prix pour le iPad 4. Donc, c'est une promotion qui est lancée en ce moment, tout de suite à la coop informatique. Donc, c'est comme si on aurait le cellulaire là, pour gratuitement. Pour le prix du Wi-Fi. Exactement. Donc, c'est intéressant. C'est une bonne promotion. Le 130$, c'est le prix, c'est le prix à ajouter pour le LTE. Et le LTE, ben, vous avez pu vous poser la question. Si à un moment donné, ça vous tente de prendre un forfait, vous prenez le forfait, vous avez déjà... Donc, ce n'est pas pour le iPad Air, c'est pour le iPad 4e génération. coop informatique de l'UQAM. J'avais demandé à ma couche, super content que ça ait fonctionné, de m'avertir du prix. Donc, 130 $ de rabais sur ces appareils-là. On a, avec le site d'Apple, qui est revenu le plus de détails sur la configuration des MacBook Pro qu'on se demandait tout à l'heure. Ouais. Donc, on voit, pour les modèles 15 pouces, le modèle à 1999 vient pas avec une carte graphique dédiée. Pour avoir la carte graphique dédiée, il faut prendre le modèle haut de gamme, qui est 2599, qui lui vient avec une carte de 2 gigaoctets. Ils ont fait un MacBook Air de 15 pouces. OK. C'est ça. Sinon, si tu rentres dedans puis tu le maximises jusqu'à... Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cet appareil-là? Donc, processeur de 2,6 GHz, as well, évidemment. Mm-hmm. 1 Teraoctet de disque SSD. On peut pas changer la mémoire? Non, la mémoire est déjà au maximum. Ça doit être 16 GB qu'il y a dedans. Oui, c'est ça. On voit 16 GB de mémoire, donc c'est le maximum. 32, c'était 16 GB le maximum, puis ils ne l'ont pas augmenté. Mm-hmm. Ça ne fait pas un gros upgrade, en fait. Ceux qui ont acheté leur machine juste avant ne se retrouvent pas avec une machine qui vaut rien, la moitié du prix ou quoi que ce soit. D'avoir amené un ordinateur Retina en bas du 2000 $ c'est intéressant. Par contre, faut pas oublier, il n'y a pas de carte vidéo là-dedans. Allez pas vous chercher un 15 pouces comme ça pour aller faire du montage vidéo. Vous allez trouver dans ça. Dans les 13 pouces, c'est la même chose. Il n'y a aucun modèle qui a une carte vidéo dédiée. Ah. Et puis, on vend encore un modèle 13 pouces qui n'a pas d'écran Retina avec un lecteur CD qui reste à 1199. OK. Donc, pour 1200 $ le bon vieux MacBook Pro 13 pouces. C'est ça. Sinon, ce sont des MacBook Pro Retina. Mm-hmm. Au niveau du Mac Pro, qu'est-ce qu'on a comme prix? Pour le Mac Pro, je vais aller voir sur le store canadien. Crinque-les. Okay, vas-y, laisse-toi aller. Donc, on voit au Canada, le prix du iPad mini iPad Air va être plus élevé. Il va être à 519 au lieu de 499 pour l'iPad Air, 419 au lieu de 399 pour l'iPad mini. Apple qui ne croit plus à la parité du dollar. C'est ça, on a 20 $ de différence. Mais ils vont être disponibles quand même en même temps. Il n'y aura pas de délai pour les avoir. Du côté des MacBook Pro, donc le prix le plus bas est de 2049 $. OK. On a une différence donc de 100 $. Donc quand même un 50 $. La même chose pour le modèle haut de gamme, le 15 pouces. Pour les Mac Pro, le modèle de base commence à 3099. On a une différence de 100 $ dans ce cas-là. Puis on n'a pas accès encore à la personnalisation parce qu'on ne peut pas les commander. Ils vont être seulement disponibles en décembre. Mais le modèle le plus gros est un 6 cœurs avec 16 GB de mémoire et toujours 256 GB de storage flash. Ouais. Et la carte vidéo, c'est dual AMD FireWire. On a deux cartes vidéo de 3 gigaoctets chacune. Non, c'est une carte vidéo à deux processeurs. C'est une Fire 2, c'est ça. OK. Ouais. Donc, il n'y a pas... ces modèles-là, c'est pas encore ceux avec les deux cartes. OK, ça va être bon de pouvoir rajouter. Exactement. Et celui-là est à 4099. Donc, après ça, en rajoutant une autre carte vidéo, on upgrade à 6000, 7000, puis sky's the limit. Ça fait pas mal le tour. Pas mal, oui. Ça a été pas mal intéressant. On va aller voir sur l'App Store si OS X Mavericks est déjà disponible. Télécharge-le. Jason, va sur l'App Store. Clique sur Mavericks. On n'a rien là encore. Là. Fais donc une petite mise à jour. Si on cherche Mavericks, on c'est pas disponible. Mac Rumors. On va voir les sites vont avoir le lien. Le lien direct. Mm-hmm. Avant un passage à Mavericks, Sexy, qu'est-ce que tu recommanderais que les gens fassent sur leur machine? Commencer par une réparation. Merci pour la question. C'est une excellente question. Premièrement, réparation des permissions. Peut-être même pendant que vous êtes dans le Disk Utilities, une petite vérification de la surface du disque. Vérifier en fait si, par exemple, vous avez des applications de son. Parce qu'on le sait, le son, ce sont des machines qu'on installe, ça fonctionne, on les laisse comme ça. Mais si le besoin se fait sentir, d'abord, vous ne faites pas ça. Vous ne mettez pas à jour votre système d'exploitation jour 1 si votre ordinateur est un ordinateur de production. Si c'est votre ordinateur personnel, c'est correct, c'est stable. Ouais. Moi, je l'utilise. En fait, moi, j'ai fait l'installation sans backup jour 1. À partir d'une connexion Internet de café. Là, comme, let's go, là, essaye de te mettre dans le trouble. Ben, c'est ça que j'ai fait. Ce serait pas, c'est pas disponible encore. C'est pas disponible encore. Ça va l'être au courant de la journée. Mm-hmm. Suivez en fait, les feeds Twitter de Mac Québec, de J.M. Boily, de Jean-François. Jean-François Roy va sûrement, Jean-François va sûrement marquer quelque chose. Il est vite là-dessus. Oui, là, il s'est mis 62 alertes. chez Google Alert, puis partout, puis il va se faire avertir. Donc, suivez JF Roy 1979 sur Twitter. Donc, réparation des permissions, backup time machine idéalement, si vous avez un disque dur de disponible. Et puis après ça, ben, on le télécharge. Avant de l'installer, là, quand l'image va apparaître avec la belle vague, tout ça, peut-être aller chercher l'utilitaire Lion Disk Maker si vous avez une clé USB de 8 GB et vous faire une clé de réinitialisation sur laquelle le système va être installé. Donc ça, ça pourrait être très intéressant. Après ça, vous lancez la mise à jour et vous profitez de toutes les nouveautés de Mavericks, qui est selon moi un bon système, ça fonctionne bien. Toi, est-ce que tu es passé à Mavericks? Non, j'ai expliqué pourquoi là, tantôt, là, mon histoire d'écran. Ah oui, c'est ça, OK. Oui, oui, avec je passerai les drivers. Pas, je passerai pas tout de suite, là, malheureusement. Tu vas continuer à gueuler sur les forums. Je commence à ramasser un groupe là, qui m'appuie là, à part de ça. Excellent! Le J.M. Boily Army sur les forums. Ça vous tente d'aller chialer sur les forums d'une compagnie qui s'appelle Display Link. Ils ont un forum, il est bien caché sur le site, mais ils en ont un, puis... En tout cas, on commence là, à faire la grogne là-dessus. Ils commencent à réaliser que leur communauté Mac est plus importante que ce qu'ils pensaient parce qu'ils ont donné comme raison à un moment donné. On a plus d'utilisateurs Windows, fait qu'on sort la version pour Windows 8 avant. Wow! Yeah. Ouais, c'est ça. On we'll est en 2004. Ben oui! J'ai pensé là, 2x80$ pour t'acheter des maudits dongles pour mettre sur mon ordinateur. Je pense que. T'sais. C'est le prix des dongles Apple. pratiquement. Donc, somme toute, Geneviève, est-ce que tu es satisfaite des annonces d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un produit que tu vas aller te chercher là-dedans? Moi, je suis toujours sur l'iPad original. Mm-hmm. Donc, je te dirais que les annonces iPad m'intéressaient plus particulièrement. iPad mini, là, je trouve qu'on a pas mal... Moi, mes souhaits sont pas mal sur la liste. Là. Mm-hmm. Le Père Noël trouve peut-être que j'ai pas été assez sage pour que je puisse mettre mon doigt puis bloquer mon iPad, mais sinon, là... Ça regarde bien. Excellent. Toi, L'iPad mini m'intéresse aussi, mais le MacBook Pro m'intéresse aussi. Là, je vais avoir une analyse financière là, à faire. Là, parce que c'est sûr que je ne m'achète pas les deux, mais... Mais un des deux. Un des deux. Moi, ça va être probablement pour Noël, iPad mini pour la maison, plus transportable. Mm-hmm. Je l'utilise beaucoup à l'extérieur, à l'intérieur, pour les mains des enfants aussi. Ils avaient tendance à aller plus vers l'iPad de leur maman. Donc, je vais aller vers ça. Puis avec l'écran Retina, il y a ma blonde qui va regarder du coin de l'œil puis voir que l'écran est de plus belle qualité. D'après moi, je vais me retrouver avec un iPad normal. Mais, iPad mini de première génération, mais non, je ne le laisserai pas aller. Je suis très content que Maverick soit gratuit. Mm-hmm. De un, parce que je l'avais calé puis que je suis comme vraiment content d'avoir gagné mon pari. De deux, ben, on n'entendra pas là, de « Ouais, mais il demande 20$, mais il n'y a pas tant de nouveaux features que ça. » En même temps, les gens vont dire « Il n'y a pas tant de features que ça. C'est gratis, mais j'ai le droit de chialer si je veux. » Mais bon. Oui, mais ça, c'est... Ça va toujours l'être. Mais c'est quand même intéressant. Je pense que les ordinateurs se placent bien. C'était déjà des machines très intéressantes. Ça se place encore mieux avec la durée de vie de batterie. Et vraiment impressionnant du côté du Mac Pro. On pensait que ça allait être un prix à la Lisa, là, 10 000 pour l'entrée de gamme. Finalement, c'est loin d'être ça. Tu vas pouvoir payer 10 000 si tu veux. Oui, mais, exactement. Tu vas pouvoir payer aussi juste 3 099. Donc, vraiment impressionné. Ouais, c'est ça, juste. On avait un ordinateur HP chez nous. C'était de la merde comme ordinateur. Puis on avait payé 2 800. C'était le haut de gamme là, dans le temps qu'on avait acheté ça. Le Windows XP venait juste de sortir. Là, puis... Ça fait déjà 15 ans. J'ai hâte de voir aussi iWorks, qu'on a vu passer, mais on n'a pas eu trop le temps de l'analyser, là, parce que je trouve que ça rappelle beaucoup de la philosophie de ce qu'il y avait sur Next pour la manipulation d'éléments graphiques, de texte. puis ça l'a, c'était toujours un peu l'intérêt de iWork, mais là, on dirait que je jouais ça, puis je jouais Next. Là, fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, mais ça veut dire que ça me prendrait une nouvelle machine. Puis là, ben ils vont probablement être disponibles à l'achat sur la. Donc, c'est pas parce que je veux absolument me gâter, c'est parce que je veux tester iWork. Que tu as besoin, oui. Voilà. C'est la création de besoins. on les rend plus logiques. Donc, une dernière fois, avant de vous quitter, en fait, on aimerait remercier ceux qui ont rendu la diffusion possible. Bien d'abord, ClickPom, qui nous invite dans ses locaux, qui nous a grillé d'un fabuleux écran de 58 pouces qu'on pourra maintenant utiliser lors des podcasts. Ensuite, Coop UQAM, qui vient de nous avertir qu'ils ont une superbe promotion, 130 $ de rabais sur les iPad 4. Wi-Fi plus cellulaire. Ça, c'est pour la Coop UQAM. Je tiens à rappeler aussi le concours ClickPom Pimp ton Mac pour gagner un disque dur Samsung 840 installé dans ton ordinateur par nos bons soins et avec le transfert de données qui est fait. Autographié par moi. Jonathan, j'ai pas fini la diffusion, merci. On remercie aussi Reptile Tech pour le super support au niveau du hosting du site web et pour les pizzas des deux derniers événements aussi. Hugo Bureau, qui a commencé à me suivre sur Twitter pendant la diffusion et qui est le leader de... je vais relire la phrase. Hugo Bureau, passez votre commande de mobilier de bureau en ligne au www.hugobureau.com. U-G-O-B-U-R-O.com. Tout à fait. Ou par téléphone au 1-855-846-2876 pour mettre votre nouveau iPad ou votre Mac Pro. Les bureaux de Hugo Bureau. Remerciement spécial à 3DI pour le prêt de matériel audiovisuel. On aimerait aussi remercier le restaurant Copoli qui nous a rempli le bedon avant la diffusion et qui offre une promotion en ce moment. Si vous allez faire un like sur leur page, vous cherchez dans Facebook Copoli Plateau. Vous allez les trouver, vous faites un like et à partir de demain, il y a un concours qui est lancé. Donc, on vous l'annonce en primeur. Il y a un concours qui est lancé pour gagner un an de hamburger gratuit. C'est malade. Finalement, Telestream, évidemment, pour son logiciel Wirecast Pro. Vous allez avoir plus de détails au telestream.net. Il y a Wirecast Pro 5 qui s'en vient. Si je ne me trompe pas, c'est d'ici le mois de juin. Là. Mm-hmm. Donc, logiciel pas mal intéressant qui aide à la diffusion. Qu'on utilise ici et dont on est bien content. Merci aussi à Jason Dénommé qui a pris une journée de congé pour venir faire le technicien pour la mise en onde et l'aide au niveau technique. Merci à Mathieu Marano du Front créatif de Montréal qui nous a aidés. Vous pouvez le trouver au www.fcmtl.com. Vous pouvez faire une recherche aussi pour Mon Studio au Canada. Et sinon, vous pouvez le trouver sur Twitter au I love you, H-U-E. Comme la saturation. Mm-hmm. Oui. On remercie les deux gars qui travaillent dans l'ombre à Mac Québec, les deux Jonathan, M. Jonathan Laberge et Jonathan Moreau au niveau du marketing. Je ne sais pas si on va les sortir, s'il va avoir eu la première neige quand on va aller attendre pour nos iPad mini, mais on a des super belles affiches. Maintenant, donc, le camion va être aussi beau que la boutique à Apple sur Sainte-Catherine. On remercie Kim Auclair, Marc-Antoine Bertiome, Jean-François Roy et Bernard Ouellette qui vont vous accueillir pour le podcast Mac Québec Aftermath ce soir à partir de 21h. Serge Tanguay, David François, Marc-André Séguin, Marianne Noël, Alan pour les corrections. Donc, normalement, vous devriez avoir un article sur les annonces sur le site de Mac Québec dans les prochaines minutes. Écrit par Nicolas Loïc Fortin, je crois. Voilà. Comme je vous disais, il y a une diffusion ce soir, le podcast Aftermath avec Bernard Ouellette et Jean-François Roy. Tous les petits détails qu'on n'aura pas eu ou qu'on n'aura pas pu vous annoncer, par exemple, tout ce qui est à propos de iWork, iLife, tout ça, ça va être annoncé ce soir à ce podcast-là. Sinon, c'est le temps de se dire au revoir, d'aller commencer à ramasser nos bouteilles pour s'acheter un Mac Pro. Geneviève, où peut-on te retrouver sur les Twitter? Sur les Twitter, c'est Denki, D-E-N-K-I-I-I. Donc, Denki... 3-I. 3-I. OK. Voilà. Denki avec un I était déjà pris. Voilà. Denki avec deux I était déjà pris. Non, mais c'était laid. Fait que 3i. Voilà. Excellent. Tu tweets surtout à propos de... Je tweete vélo, je tweete design d'interaction, je tweete bébé, recettes sans gluten, plein d'affaires super éclectiques, puis bien sûr Apple. Et puis je chiale aussi. Et je raconte des aventures de ma vie. Alors voilà, c'est ça. J'ai sauvé son bébé en lui disant qu'il était très possible qu'il soit allergique à la protéine bovine ou au gluten. Puis c'était ça. Ron Fournier, sauveur de bébé. Extraordinaire. Jean-Michel, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Rejoindre sur Twitter au JM_Boily. Excellent. T'aurais-tu entendu une rumeur à propos du iPhone qui arriverait sur Vidéotron? On nous pose souvent la question. Non. C'est pas revenu là, comme rumeur. Là, il en parle. Moi, j'ai entendu quoi? J'ai quelqu'un un informateur Deep Throat qui serait venu me voir, puis tout ça. Mais... On va faire un tour sur DSL Report ce soir, un forum très actif sur Vidéotron. On ira voir. Pour ma part, vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier, AlexCornellier sur Twitter. Je tweete aussi, mais un peu moins sur la bannière ClickPom, donc @CLICKPOM. Ça ne rentrait pas au complet le clip-pom qui était déjà pris. Sinon, en fait, vous pouvez aller liker toutes les pages des commanditaires qu'on a eus. Il y a le concours clip-pom, il y a le sondage Mac Québec, tout ça. Et sinon, on se retrouve autour, mais peut-être pas le 5 novembre prochain. Ça va peut-être être le 4 pour cette émission-là. On va voir. Suivez le site Mac Québec. Effectivement. Voilà. Mm-hmm. Merci d'avoir été avec nous. On vous dit à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Les micros sont coupés? Peut-être.